23h, 2h. Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. La soirée continue sur Radio Mickaël. N'oubliez pas qu'on se retrouve dès 6h pour Mickaël dans la radio. Ouais, je serai là en pleine forme, évidemment. Non, je plaisante, évidemment. Je serai pas là à 6h. Je serai là fidèle au poste dès 23h, comme tous les soirs, du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Parce que je ne peux pas vous laisser seul le soir. Évidemment, évidemment. Vous allez vous faire chier, il n'y aura rien, vous allez vous emmerder. Oui. Et puis bon, ça va être chiant, quoi. Bon, c'est sûr. En même temps, il faut qu'il y ait toujours quelque chose de bien. Sinon, radio. Après, les gens vont tourner en rond chez eux, ils vont taper la tête contre les murs. Mais exactement, je confirme. Bon, et il y a également Lucas avec nous, là. Et déjà là, Lucas. Salut, Lucas. Salut, l'équipe. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bah écoute, plutôt pas mal. Je suis ravi. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. J'ai reçu un... De quoi? Parce que vous avez réparé la lumière. Oui, alors déjà, effectivement, c'est vrai, pour t'as suivi hier, effectivement, c'est vrai qu'hier, on était... Il y avait les lumières du studio, vous savez, on peut mettre des un peu couleur baraput, on aime bien, nous, on aime bien mettre en rouge. Bah, c'est notre couleur préférée. Hein. Voilà, ouais. C'est ça. Donc c'est un peu sombre avec du rouge sur les côtés, donc on est bien, c'est un peu tamisé. Et hier, il n'y avait plus de lumière, et en fait, c'était de la lumière, mais que de la lumière normale, toute grise. Donc c'était horrible de bosser comme ça. Oui, que la gueule. Mais voilà, mais ça va mieux. Mais non, j'ai une autre bonne nouvelle. Ah, c'est surtout pour moi, hein. C'était pour un grand plaisir. Enfin bref, je n'en dis pas plus. Mais vous le verrez. Je vais vous le mettre sur le Facebook, ce plaisir. D'accord. Je vais vous le mettre dans quelques minutes. C'était un très grand plaisir. Voilà. Bon, du coup, Lucas, on devait appeler ta meuf, toi, ce soir. Ouais. Voilà, parce qu'on l'a fait hier, ça n'a pas décroché, etc. D'ailleurs, Guillaume également, 20 ans, qui est avec nous, là, Guillaume. Oui. Bon, on va appeler ta meuf dans quelques minutes à toi aussi, du coup. Hein. Okay, parce que hier aussi, on l'a fait, c'était le répondeur. Et donc, Lucas, on devait appeler ta meuf, pourquoi? Rappelle-le peut-être aux auditeurs qui n'étaient pas là. Alors, parce qu'il y a un mec qui a raconté des mythos sur moi. Et du coup, ça pose un problème avec ta meuf. Ouais, ce qui est normal. D'accord. Et toi, Guillaume? Bah, parce qu'en fait, ma meuf me fait la gueule et croit que je suis avec une autre fille, en fait. D'accord, ok. Bon, bah là aussi, on va l'appeler dans quelques minutes afin de tirer ça au clair. Restez là, les gars. Lucas et Guillaume, ne bougez pas surtout. On va appeler vos meufs respectives. Et puis, bah, vous voyez, on vous laisse pas tomber. Hein. On a dit hier qu'on l'appellerait. On appelle ce soir sans problème. Donc, si vous avez besoin d'aide, de conseils, juste envie de parler pour délirer avec nous, vous êtes les bienvenus jusqu'à 2h. Et vous appelez le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 et vous tomberez sur la plus sexy des standardistes avec une voix pas du tout rauque, bien entendu. Ouais, voilà. J'ai compté sur Polo pour faire le. Pour faire un. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé. Pardon, Oh, t'es dégueulasse. Oh, bon, bref, voilà, c'est le glamour au standard. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, le standard le plus glamour de la FM, c'est chez nous. Ah, bah, évidemment. Toff, le pervers de l'émission, est là également. Hein. Ce midi, on est allé manger chez l'auditeur. Ah, oui, c'est vrai. Qui bosse dans une pizzeria. C'est Campionissimo. C'est ouais. 92 rue Montmartre. C'est à Paris. Si vous voulez y aller, c'est super bon. Vraiment. Oui, ah oui, on a super bien mangé. Autant hier on a été bouffer une pizza avec Polo, c'était immonde. Autant autant ce midi là, plutôt pas mal. Donc c'est Campionissimo et ça porte bien son nom puisqu'il y a le vice-champion du monde de la pizzeria qui fait les pizzas, donc plutôt pas mal. D'ailleurs, on remercie également l'auditeur Clément exactement qui nous a reçu et le patron également aussi. Donc on reviendra et on y retournera bien entendu avec plaisir. Et puis entre deux bouchées de pizza comme ça, hop là, Toff nous a dit qu'il cherchait une femme fontaine pour voir ce que ça fait. Mais oui, moi je veux voir. Parce que vous voyez, pendant qu'on bouffe, on parle femme fontaine. On a des sujets de conversation assez improbables. Donc si jamais éventuellement vous connaissez une femme fontaine ou vous êtes femme fontaine et que vous voulez venir dans les studios pour montrer un peu comment ça marche, pour faire des vitres par exemple, eh bien appelez-nous. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. J'ai beau dire à Toff que c'est mort, que c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Il reste persuadé que c'est possible, donc bah prouvez-moi le contraire, je compte sur vous. On appellera également de nouveaux amis. Mais oui. Voilà. Je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà, donc de nouveaux amis que nous aurons l'occasion de découvrir tout à l'heure avec la petite question du soir et les questions de Toff. Polo, lui, aimerait bien qu'on fasse revenir évidemment la barre de pole dance. Hein. Oh, elle me manque, j'adore. Bah ouais, mais on l'avait loué. Écoute, je vais regarder sur eBay si je ne trouve pas une moins chère. Mais d'occasion. D'occasion, même, barre de pole dance. Qui a pas trop été utilisée dans les fesses. Voilà. Hein, mais... Et si jamais vous vendez ou donnez une barre de pole dance, nous on prend. Évidemment, hein, c'est avec grand plaisir. Par contre, faites-le vraiment parce qu'on attend les croix de Toff, elles ne sont jamais arrivées. Et elles viennent jamais, donc c'est clair. Bon, on écoutera aussi le son de Showtech ce soir. Showtech avec Cannonball. Voilà, Cannonball 2014, ce sera dans quelques minutes. Il y aura aussi le son d'Avicii, Addicted to You. Il y aura un nouveau Guetta, Shut Me Down, que vous avez découvert sur Fun Radio. Et puis, puis le son de Shakira et Rihanna, Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, vous êtes les bienvenus. Vous demandez comme chaque soir avec le hashtag et Mickaël sur Twitter et sur Facebook. On vous attend nombreux. Il y a Sam également qui dit salut Mickaël, je suis nouveau. Et d'après ce que j'ai compris, tu fais des messages de bienvenue. Est-ce que je pourrais en avoir un? Eh ben écoute, c'est demander si gentiment, si poliment que je ne peux dire que oui. T'as compris, fils de pute. Voilà, bienvenue Sam le nouveau, avec plaisir. Alexandra qui dit c'est parti pour la meilleure émission au monde. Merci Alex. Et Gladiatrice qui dit allez c'est parti, 3 heures de folie, let's go. Il y a Orgagasmi qui dit bonsoir les meilleurs. Eh bien salut ma chérie. Et Jérémy Titi, je suis au rendez-vous avec les meilleurs de la radio. Décidément que de compliments, on n'a pas l'habitude, autant c'est de vrai. Compliments comme ça là. C'est bizarre, ça cache quelque chose. Ouais, il y a vraiment demandé des trucs. Ouais. Je pense aussi que ça va arriver, ça. C'est bon. Enfin bon, on verra bien. Bon, et puis on aura aussi des cadeaux, bien sûr, avec les casques Beats by Dre. On aura aussi la GoPro, bien sûr, qu'on vous offre depuis le début de la semaine, depuis dimanche soir. La GoPro, c'est la Black Edition, la Hero 3 Plus Black Edition. Ça vaut plus de 450€ et on vous l'offre ce soir. Vous choisirez donc dans quelques minutes avec la colle si vous voulez gagner soit le casque, soit la GoPro. On en parle évidemment dans quelques minutes. Et vous pouvez bien évidemment réagir à l'émission avec le hashtag et Mickaël. Et ça y est, la machine à compter vos tweets refonctionne, donc on pourra faire de nouveau le top tweetos à la fin de l'émission. Donc pour participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël pendant l'émission. Et puis si vous êtes parmi les meilleurs tweeters, les plus influents sur le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission, et bien le numéro 2 ce soir repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. voilà, comme ça au moins c'est plié. Bon, il y a également bon Lucas, on va appeler ta copine là dans quelques minutes, hein. Ouais, et il y a T, je l'ai raconté des mythos, il écoute. J'ai pas compris. Ah, celui qui a raconté des mythos à propos de toi, la copine. Ouais. D'accord, ok. Eh bah, très bien, Lucas. Bah, bouge pas, on va appeler ta copine dans quelques minutes. Avant ça, il y a aussi la colle avec Oksana qui est avec nous là. Salut Oksana. Oksana, oui, l'actrice de film de cul. Non, pas du tout. Oh, on me fait souvent la remarque. Oh, t'en fais déçu. Ah ouais, je suis déçu. Moi, je pensais déjà que t'allais nous envoyer des photos un peu cochonnes. Ah non, désolé, je garde ça pour quelqu'un d'autre. Oh, déception. Bon, tant mieux pour ton mec, cela dit au passage. Bon, Oksana, t'as 19 ans, t'appelles de Liège, et on va faire la colle. Bon. D'accord. Je rappelle le principe, tu vas donc balancer une colle maintenant. Les auditeurs devront trouver, s'ils veulent gagner, la bonne réponse. S'ils trouvent la bonne réponse et qu'ils passent à l'antenne, ils gagnent et tu perds. Si jamais personne ne trouve la bonne réponse ou que ça ne décroche pas, à ce moment-là, c'est toi qui gagnes. Et pour info, d'accord, hier par exemple, c'est celui qui a posé la colle qui a gagné, puisque la personne qu'on a appelée n'a pas décroché, ce qui veut dire que c'est possible. Oksana, okay, on t'écoute, quelle est la colle? Alors, la colle. Trois marins sont sur un bateau. Le premier est décapité. Les deux autres ont la tête coupée. Combien y a-t-il de morts? D'accord, donc trois marins sont sur un bateau, le premier décapité et les deux ont la tête coupée. Combien y a-t-il de morts, c'est ça? Ouais, c'est bon, bah très bien. Bah, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer depuis le Facebook de l'émission. Je vais vous mettre la colle dans moins d'une minute. Facebook.com/MIKL officiel. N'hésitez pas. Vous allez sur le Facebook, vous allez pouvoir voir et répondre également à la colle. Et puis bah, si vous êtes tiré au sort, vous repartirez peut-être avec soit la GoPro Hero 3 Plus Black Edition de plus de 450€. Et vous pouvez aussi d'ailleurs repartir avec le casque Beats by Dre, c'est vous qui choisirez. Oksana, je te fais des bisous et on te récupère encore plusieurs fois avant la fin de l'émission et surtout avant minuit, okay, puisqu'on donnera la réponse à minuit. A tout de suite, Oksana. Salut. Allez, salut. Donc, trois marins sont sur un bateau, le premier décapité, les deux autres ont la tête coupée. Combien y a-t-il de morts? Si vous pensez avoir la bonne réponse, SMS ou Facebook, je vous souhaite évidemment bonne chance. Il y a Echo sur le Twitter qui dit « Salut les tarés, vous m'avez manqué depuis jeudi dernier. Mika, tu veux pas nous passer un petit dubs avec Raviology ?» Bah écoute, je vais voir si on l'a, mais si on l'a, promis, je te le passe avant la fin d'émission, sans problème. Et je vous avais promis aussi le son de Showtech avec Cannonball. On va se le faire maintenant, juste après. Lucas, on appelle la copine. Guillaume, on appelle également ta copine aussi d'ailleurs. Et puis on va revenir avec les appels de taf également. Attention, il y a du lourd ce soir. Ah bon? Ah oui, tu vas pouvoir appeler des gens, tu vas pouvoir te marrer. Oh là. Ah oui, on fait ça après Showtech, Cannonball, la version 2014. Le son de Showtech à l'instant sur Fun Radio avec Cannonball. Et je tiens à remercier l'auditrice, donc c'est ça qui m'a rendu de bonne humeur. L'auditrice hier, vous vous souvenez, elle avait fait une erreur, je pense qu'elle était sous peut-être trop bu, je ne sais pas. où elle avait mis qu'elle kiffait Polo. Ouais. Elle avait mis ça sur son ventre. Mm-hmm. Et bien maintenant, elle a mis sur sa poitrine, en fait, je préfère Mickaël. Voilà. Et très très beau soutien-gorge, si je puis me permettre. Alors, le jogging un peu moyen, encore que, faut voir. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'elle a bien effacé le je préfère Polo. Donc, vous pouvez aller voir, hein, facebook.com/mickaël officiel. Ah, là, il y a de quoi partager, là. Hein, ça, c'est. Oh là là. En fait, hier, elle était bourrée. Ouais, je pense, ouais. C'était un gage. Elle a eu son moment de lucidité. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, il n'y avait pas photo. L'avis de Toff, éventuellement, sur la photo Bah, écoute, moi, j'attends qu'elle enlève le reste. Ouais, c'est clair, ouais. L'avis de Polo sur la photo? Je préfère celle d'hier, bien sûr. Ah, les deux, moi, je prends les deux. Ah, ouais, ouais, toi, t'es pas dans le détail. Je suis un peu vexé, mais moi, je m'en fous. Même si elle me déteste, je veux bien lui éjaculer dessus, y'a pas de problème. Oh, attends, il est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas faire dans le romantisme. Mais c'est romantique. Ah, bah oui. Tu peux pas faire dans le romantisme avec un peu de musique tranquille. Tu vois, moi, je peux sortir la guitare quand je veux. Vas-y. Hein? Et je pourrais chanter comme ça, là, tranquille. D'ailleurs, je vais le faire. J'en ai rien à foutre, moi. Rock'n'roll dans ma tête. Allez, attention, voilà, je chante spécialement pour vous. Attention, 3, 4. Allez, je vais même aller un peu plus loin, je m'en fous, j'ai même pas peur. Allez, refrain, je m'en fous, après j'arrête, mais refrain, c'est parti, je me sens bien là. Bah ça m'a mis de bonne humeur, tu vois. En plus hier on avait la lumière de merde, la photo il est démarqué je préfère Polo. Là maintenant j'ai cette magnifique photo, j'ai la bonne lumière dans le studio. Là on est bien. Que demander de plus? Bah rien. Cookie qui dit vous êtes ma drogue. Merci Cookie. Angelica, qui dit bonsoir mes anges. Je suis ici avec mon cousin et il voudrait un petit message de bienvenue. Il vous adore déjà. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Moi t'as reçu ta meuf là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles là. Eh ben voilà. Carole aussi qui dit j'aime beaucoup le soutien-gorge. Oui, on est d'accord. Echo également qui. C'était par rapport à Dubs. Je vais essayer de le retrouver comme tu l'avais demandé le son de Dubs sans problème. Et Marius qui dit elle est dégueu Sandro à roter comme ça dans l'émission, je suis assez d'accord. Ouais, c'est début crado. D'émission, elle commence à roter, je trouve ça. Oh là là là là là là là. Ça arrive. Une horreur. Enfin bon. Bon, on va prendre maintenant Lucas qui est avec nous. Lucas, t'es là? Ouais. Bon, il est temps d'appeler ta meuf. Hein. Depuis hier, on traîne avec ça. Là, elle a pas décroché, etc. On va essayer de trouver une solution quand même. Je rappelle donc qu'il y a un de tes potes, enfin qui est pas vraiment un pote, hein, vu ce qu'il te fait, qui va. Bah ouais, mais c'est vrai. Faut dire les choses maintenant. Hein. Donc qui s'amuse en fait à aller balancer des conneries sur toi, à la meuf avec qui t'as envie de sortir. C'est ça. Voilà. Et donc du coup hier on avait essayé d'appeler. Bon, visiblement elle dormait. En tout cas elle a pas décroché. On a dit qu'on essaierait d'appeler un petit peu plus tôt ce soir. C'est ce qu'on fait. Donc on va l'appeler maintenant. Depuis hier t'as pas eu de nouvelles? Comme tu dis que le mec qui balance des conneries sur toi était en train d'écouter l'émission. Ouais. Et hier je crois il avait pas envie de répondre. D'accord. Okay. Ah oui c'est. Oui c'est ça. Mais on va essayer d'appeler la copine là maintenant. Bon, et comment tu sais qu'il est en train d'écouter là? Il te l'a dit? Ouais, il me l'a dit. Bah pourquoi vous avez pas parlé du problème alors plutôt que de simplement dire mais j'écoute la radio? On en parle mais en fait il dit que c'est pas des mythos. Ah d'accord, ok, oui là il y a un autre problème alors. Bon écoute, on appelle Naomi, d'accord? Ok. Ouais, c'est ta meuf. Tu parles ou je parle? Tu parles. Bon d'accord, ok. Allez c'est parti, on fera également le jeu du je t'emmerde tout à l'heure hein, si vous voulez gagner des cadeaux, notamment casque Beats by Dre. Vous appelez Sandro maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Le principe, appeler des gens au hasard et placer un maximum de je t'emmerde par rapport à votre concurrent. Ouais. Ah oui merde. Ah ouais, je pensais que ça allait être de la musique. Bon bah Lucas là on peut plus rien faire hein. Ça fait 3 jours là. Ah ouais, merde. Ah bah ouais, là mec, il y a un moment, sois franc avec ta copine, enfin avec la fille. Tu lui dis les choses, tu lui dis écoute, moi j'ai rien à me reprocher, ce qu'il te dit c'est des conneries. Si tu veux me laisser une chance, je te le prouverai. Si tu veux pas, c'est que tu vois rien, merci, au revoir. Hop là, là t'es au top mec, tu fais ça, t'es au top, je te le dis. En perçant les couilles. Exactement, tu te pinces les couilles, tout à fait. Ouais. T'as tout compris mec. Exactement, toi t'es un mec Lucas. Bon bah écoute Lucas, désolé quand même, hein, tu rappelles dès que t'as des nouvelles. Ok, je peux faire une dédicace? Avec plaisir, vas-y, une seule personne, attention, hein, choisis la bonne. Ouais, je fais une dédicace à mon frère Damien et à ma biche. Très bien, le message est passé. Salut Lucas! Voilà, bisous. Allez, à bientôt, ciao à toi Lucas, bye bye. Allez, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Appelez-nous et venez nous rejoindre également hein, Facebook et Twitter, tapez M-I-K-L officiel pour nous rejoindre. Il y a Eliria qui dit se faire les ongles en écoutant Mickaël, c'est que du bonheur. Ah bah oui, c'est clair. Et Clément également, bonsoir les phénomènes, j'ai eu Sandro cet après-midi, elle a une voix vraiment sexy. Bah quand elle rote pas, oui. Le problème, c'est qu'à partir du moment où ça rote, c'est évidemment beaucoup moins glamour, quoi. Bon, enfin bon. Lilian est avec nous également de Marseille. Salut Lilian. Ouais. Ou Lilian, on dit Lilian, hein, pas Liliane, hein, évidemment. Lilian. Lilian, très bien. Bon alors Lilian, qu'est-ce qui t'amène? Sois le bienvenu déjà. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, il y a des amis à moi qui me disent comme quoi j'ai pas assez de sujets de conversation. Ouais. Et que avec les filles, je suis pas assez macho. Comment ça t'es pas assez macho? Ça veut rien dire les meufs. En règle générale, elles n'aiment pas trop les machos. Enfin ça dépend après quel genre de machisme, mais en règle générale, t'aimes pas trop. C'est... Tu parles de quoi d'habitude? En fait, je suis beaucoup trop gentil. Beaucoup trop gentil avec les filles. Ouais mais c'est pas macho ça, c'est peut-être un peu. C'est peut-être parce que t'aimes bien, t'as envie de faire plaisir et donc du coup t'as envie de pécho et comme peut-être que j'en sais rien, t'as peut-être pas un physique facile ou quoi, donc tu mises tout sur le côté gentil. J'ai pas un problème de serrer les meufs, ça c'est pas un problème, mais genre je sais pas, on me dit je suis beaucoup trop gentil avec les filles, c'est pour ça que ça dure pas. Ah ouais. Voilà. Non, c'est marrant ça. Bon écoute, ce que tu peux faire c'est que peut-être demander l'avis des filles. Parce que tes potes à la limite ils disent ce qu'ils veulent, s'il faut demander aux filles ouais, en fait. Il y a des filles aussi elles me l'ont dit. Ah, des filles l'ont dit aussi, que t'es pas assez macho. Ouais. Ouais. Est-ce que vous aimez les mecs machos, les filles? Parce que je me pose la question quand même. C'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir cette espèce d'idée du mec macho qui est un connard, etc., et que les filles aiment pas. Mais je me rends compte qu'il y a plein de filles qui aiment bien, en fait. Mais elles adorent ça, comme dirait un grand philosophe dont je ne citerai pas le nom. C'est quoi? Attends, il y a beaucoup de filles, elles aiment les mecs machos. Ouais, et c'est quoi le philosophe, Taf? Non, ce grand philosophe qui dit qu'il faut leur mentir. Ah ouais, mais elles adorent c'est pas ça. Un philosophe, c'est Polo. C'est vrai. Mais c'est un grand philosophe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, les filles, appelez-nous maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va en parler, tiens, justement. Reste avec nous, Lilian, d'accord? Ça va. Bon, allez, reste avec nous. On va également, parler de soldes. Ah. Ouais, parce que nous, on est en plein dans la période des soldes, hein. Et d'ailleurs, Sandro, là, tu as déjà acheté des choses ou pas? Pour les soldes, t'as déjà fait des achats ou pas pour les soldes? Non, juste une chemise, c'est tout. Ah, une chemise, d'accord. Okay. Elle était même pas soldée en plus. Bon, et toi qui es célibataire, tu préfères faire les soldes ou faire l'amour? Bah là, je me rabats sur les soldes, hein, forcément. Ah ouais, là, t'as pas le choix, évidemment. Ah ouais, non, et si j'avais un mec, je préférerais me taper mon mec. D'accord. Bah, eh bien, 71% des célibataires préfèrent faire l'amour plutôt que les soldes. Bah c'est normal, on est célibataire. Bah oui, mais bon, mais c'est préfère faire l'amour que les soldes. Mais oui, mais faire l'amour, tu peux le faire le soir. Ouais, mais par exemple, c'est célibataire, donc ça veut dire qu'elles ont pas de mec. Oui, c'est ça. Oui, je suis con en plus. Oui, effectivement, 71% des célibataires préfèrent faire l'amour plutôt que faire les soldes. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, c'est improbable quand même comme. Bah, c'est le. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Oui, c'est vrai parce aussi. Parce qu'elles n'ont pas de mec, elles ont le temps de faire les soldes. Après, tu poses la question aux meufs qui. Aux meufs inversées, on va dire, elles vont répondre l'inverse aussi. De toute façon, c'est des meufs, c'est normal, même pour ça, les mecs. Non, mais quand elles ont un mec, elles ont sa carte pour aller dépenser, tu vois. Oui, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est marqué aussi qu'une fois qu'elles sont en couple, en fait, c'est l'inverse. Donc, dites-nous, les filles, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez faire l'amour ou est-ce que vous préférez faire les soldes? Voilà, et on appellera évidemment des gens dans quelques minutes avec toi. Ah bah avec plaisir. Allez, bah toi va essayer dans quelques minutes. Je rappelle également que si vous avez des numéros de gens qu'on peut éventuellement appeler pour leur poser ce genre de questions, n'hésitez pas, des gens encore debout à cette heure-ci, qui sont debout jusqu'à 2h, et puis surtout qui sont plutôt du style à s'énerver relativement rapidement. Donc n'hésitez pas sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. On va faire les premiers appels dans quelques minutes. Et on va récupérer Guillaume. Allô Guillaume. Allô. Bon, Guillaume, donc, qu'on a eu hier, hein, sa copine a pas confiance en toi, enfin en lui en l'occurrence, ta copine n'a pas confiance en ça. Toi. C'est et donc, ça. Tu voulais qu'on l'appelle hier pour parler en fait, tout simplement, pour parler, ouais. Pour parler de ça. Oui, pour mettre les choses au clair, quoi, parce que en plus, il y a des fois où elle me donne pas forcément de nouvelles pendant 2 semaines à peu près, et là, ça fait au moins 3 jours que j'ai pas de ses nouvelles, quoi. Mais comment ça fait, t'as pas essayé d'appeler? Si, mais elle répond pas en fait. Ah, ça pue quand même, hein, là ça pue quand même vachement fort. Hein. Je sais pas après. Ah, mais moi je te le dis, hein, ça pue du cul même. Hein. Ah, bah, mec. Ouais, il y a un moment, faut t'inquiéter. Ah, oui, complètement. C'est-à-dire que ça pue de nouvelles depuis 3 jours. Écoute, on va essayer de l'appeler maintenant, j'ai peur qu'elle décroche pas non plus. Mais bon, écoute, on va essayer. Hein, on va essayer. Tu veux, elle s'appelle comment? Julie, très bien. Tu lui parles ou je lui parle? Tu lui parles et puis après, je lui parlerai. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, c'est parti, on y va. Est-ce qu'on aura la soirée de la loose avec un double répondeur? On en a déjà eu un il y a 5 minutes. Est-ce qu'on en aura un autre? On verra. Je pense, ouais. Allez, et puis on va en parler avec Lilian, là, qui est pas assez macho d'après ses potes et d'après ses copines. Et donc, je voulais savoir, les filles, est-ce que vous aimez les mecs macho ou pas? Est-ce que vous êtes un macho? Bah, venez et on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On est bien parti pour un double répondeur, là. On va être bien, on va être bien. Et bah, voilà. Messagerie Orange, bonjour. Bon, Guillaume. Oui. Alors, écoute, c'est, je veux bien encore une fois, juste après le son d'Avicii, rappeler, mais si jamais ça décroche toujours pas, là, il faudra que tu prennes tes couilles en main et que tu ailles la voir directement. Ouais, mais le problème, c'est que je l'ai déjà dit et je l'ai déjà parlé. Et, bah, quitte-la, alors. Voilà. Enfin, je sais pas. Bah, moi, je après. Sais, il faut, faut la quitter, tranche. Guillaume, à un moment. C'est-à-dire qu'il y a tranche, un moment. Mais il y a un moment, faut y aller. Si tu la quittes et qu'elle se dit mais pourquoi elle va revenir et au final ça va s'arranger. Mais et si c'est ce qu'elle veut, ben au moins ce sera fait. Mais il y a un moment, tu vas pas rester comme ça pendant 1000 ans à attendre qu'elle décide de venir te voir, qu'elle décide d'avoir confiance ou pas confiance. Enfin, il y a un moment, faut prendre tes couilles en main, mec. Il faut les presser très fort. On a expliqué ça hier. Complètement. Bon, Guillaume, reste encore avec nous. Juste après Avicii, on essaie de l'appeler encore une dernière fois, d'accord? D'accord, merci. Bon, allez, je t'en prie, reste avec nous, Guillaume. On va faire le je t'emmerde avec Arnaud et avec Greg dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis, le son d'Avicii, c'est maintenant sur Fun Radio. Avicii avec Addicted to You. On est au corps d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit. Bienvenue. I don't know just how it Addicted to You, c'était le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio. Il y a Karima d'ailleurs qui vient de m'envoyer un message qui préfère faire les sols plutôt que de coucher avec son mec. Enfin, son mec hypothétique puisqu'elle n'en a pas pour l'instant. Mais bon, en tout cas, c'est fait. Il y a Stéphanie qui dit « Moi, je profite des sols pour acheter de la belle lingerie pour ensuite faire l'amour. » Ah, très bien. En parlant de belle lingerie, je rappelle qu'il y a une auditrice, la même qu'hier d'ailleurs, qui avait envoyé un message, une photo d'elle où elle avait marqué sur son ventre « Je Polo, je te kiffe ». Elle a eu un moment de lucidité, elle est revenue sur ses propos et donc elle a marqué sur le haut de la poitrine en fait je préfère Mickaël, ce oui, qui est vachement mieux avec, bien, avec un soutien-gorge qui est encore plus beau que celui d'hier, donc c'est parfait. On si est au vous top. Voulez aller voir, eh bien n'hésitez pas, facebook.com/mickaël officiel. Et tu sais quoi? Non. Les mecs voient, et les meufs surtout, parce que forcément il n'y a pas de jalousie, les meufs voient une meuf qui est quand même plutôt bien foutue. Ouais, et y a, avec une ombre, c'est vrai qu'au-dessus du nombril, t'as l'impression qu'il y a des poils. Ouais. Et en fait, t'es ouais, c'est quoi ces poils, etc. Alors qu'en fait, quand tu regardes bien, tu vois que c'est l'ombre qui fait que t'as une petite tache noire. Avec ou sans poils, je prends, moi. Ouais, tu grave, m'étonnes. Moi je discute pas. Hein. Ah bah, surtout quand t'en as ta tête, teuf. Y a Nespa qui dit si t'as pas de. Attends, c'est quoi? Si t'as pas de nouvelles depuis 3 jours, c'est probablement mort. Ah bah oui, ça je confirme. Et Marion qui dit une petite pensée pour moi, je charrette en vous écoutant. Bonne émission, l'équipe. Merci Marion et gros bisous à tout le monde. Merci d'écouter tous les soirs. On va donc faire maintenant le premier appel avec Toff. Premier appel à base de soldes, donc puisqu'on est tombé sur un sondage qui disait que 71% des Françaises donc préféraient faire les soldes plutôt que de faire l'amour. Exactement. Et quand elles sont maquées, évidemment, c'est l'inverse. Bah, c'est normal, elles ont une carte bleue à utiliser. Voilà, c'est ça, donc c'est ce qui est un petit peu logique. Bon, on fait le premier appel maintenant, grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On fait le premier appel, on récupérera Guillaume, Lilian également pour parler des machos, Arnaud et Greg également pour le je t'emmerde. Juste après, c'est parti maintenant pour le premier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous préférez faire l'amour ou plutôt faire les soldes. Bah, c'est qui là? Moi, je m'appelle Toff. Ouais, bah, t'as eu mon numéro à qui? Bah, j'ai eu ton numéro à l'annuaire. Ouais, bah évite bah, faire des blagues à qui tu veux, mais voilà quoi. Oui, d'accord, mais parce que là, vous avez pas répondu à la question. Non, mais tes questions débiles, tu les mets où je pense, hein, parce que j'en ai rien à foutre de tes questions. Je te connais pas, tu m'appelles pas, point barre. D'accord, mais parce que là, moi, je vous appelle juste parce que je voulais une réponse. Non, mais je t'emmerde déjà, si t'as quelque chose à faire, déjà, appelle pas en secret, appelle avec ton numéro. Oui, mais je peux pas, c'est bloqué dans le téléphone. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, ciao. Bah, attendez, vous avez pas répondu à ma question. Allô? Mais elle s'en fout, les parties là. Bon, on le rappelle? Bah oui. Bah attends, hop, c'est parti. Elle a pas répondu. Bon, on va pas se laisser faire comme ça, non, mais attends, pour qu'elle s'est prise là, et oh. Voilà, coup de lance là. Allô? Oui, excusez-moi, mais faut pas le prendre comme ça, madame. Non, mais attendez, vous êtes qui à m'appeler? Bah, moi, je suis Toff, madame. Toff? Mais je connais pas Toff. Hein. Non, on se connaît pas, moi, je vous appelais juste pour vous poser une question. Mais je vous emmerde. Bah, enfin, madame, faut pas le prendre comme ça. Ouais, c'est ça, mais vous avez que ça à faire de vos soirées. À mon avis, vous devez vraiment vous ennuyer pour faire ça. Mais pas du tout, madame, enfin, pourquoi vous dites ça? Bon, vous allez fermer votre gueule parce que... Elle s'est raccrochée au nez elle-même. On va la rappeler, elle a certainement fait une mauvaise manipulation. Attends, ça arrive, ça arrive, ça arrive, même au meilleur. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, d'accord, vous me téléphonez à moi, c'est bien. Alors moi, je vais vous dire un truc, moi. Pourquoi vous vous permettez de téléphoner à ma fille, là, hein ? Hein, bah, qu'est-ce que c'est ce bordel-là ? Bah, en fait, hein, je voulais savoir si elle préférait faire l'amour ou les soldes, monsieur. Alors moi, je viens, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Tu viens, je te brûle tout de suite, moi. Moi, tu viens ici, je te découpe en quatre, moi. Je te brûle, je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Enfin, monsieur, faut pas s'énerver comme ça. Ouais, ben écoute, moi, tu viens, je te mets de l'acide dans ton cul et je te coupe en quatre, moi. Tu sais ce que je fais, moi ? Je te fusille, je te mets 10 balles dans ta gueule. T'as compris ? 10 balles dans ta gueule. C'est un peu violent. Alors, quand... si. C'est un peu violent, hein, quand même, moi, tout ça. Moi, je te nique, oui, ta mère, je te nique ta famille, moi. Hein ? Mais monsieur, un petit peu de calme, quand même. Ouais, c'est... bah tu viens ici, tu vas voir comment je me calmer, moi. Oui. Il suffirait tout simplement que tu sois devant moi et puis que tu viens emmerder ma fille. Moi, je te jure que je te claque ta tête, je la défonce contre le mur, moi. D'accord, mais... Tu sais, hein, ta gueule, je te laisse pas parler 2 minutes parce que tu vas venir. Moi, c'est ce que je te fais, je te défonce ta gueule. Je te jure, je t'envoie au CHR. Ils vont mettre 10 heures dans le bloc opératoire pour te remettre sur pied, là. Alors moi, je dis un truc. Tu téléphones à ma fille encore une fois. Je te le jure. Hein, sur ma vie, je te nique ta mère. T'as compris ? Téléphone-lui encore une fois. Ça me râle. Oh, putain. Oh merde, je rappelle pas par contre. Hein, non, on va arrêter là, non. J'aime beaucoup le programme. Ah oui, il y a un bon programme. Ah, là, si je suis ouvert. Le fusil dans la tête. Grave, il y a Flavia qui dit que des promesses, mec. Moi. Ouais, mais Toff, il a peur, il va plus lui rappeler. Lucie qui dit je te nique ta mère, ton père, je te nique toute la famille, morte de rire. Et Valoche qui dit ferme ta gueule, Toff, je te coupe en quatre. Oh putain, il était chaud lui quand même, il était bouillant. Et Félicia qui dit il est trop fort lui. Moi, je te le découpe et je te brûle, je te mets de l'acier dans ton cul. Et je t'envoie au CHR, il y aura 10 heures d'opération. Ouais, t'as vu, pour... C'est de l'acide, hein. Ouais. De l'acide, ouais. Putain, le mec était complètement barré. Oh, j'en reviens toujours pas, dis donc. Oh là là. Il était grand, lui. Il était grave, grave, grave. Bon, on va récupérer Lilian avec son histoire, là. Apparemment, ses potes et des copines à lui ne le trouvent pas assez macho. Et donc, je voulais avoir vos avis, les filles. Est-ce que vous aimez les mecs macho ? Voilà, appelez-moi maintenant. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. On va se refaire un coup de colle avec Oksana. T'es toujours là, Oksana ? Oui, elle est toujours là. Très bien. Alors, vas-y, fais péter la colle, Oksana. Je rappelle qu'il y a toujours un casque Beats by Dre ou alors, tout simplement, la GoPro Hero 3 Plus Black Edition. C'est le haut de gamme. Elle vaut 460 € et on vous l'offre ce soir si vous avez la bonne réponse. Oksana, vas-y. Alors, 3 marins sont sur un bateau. Ouais. Le premier est décapité et les 2 autres ont la tête coupée. Combien y a-t-il de morts ? Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, 3 marins sont sur un bateau, le premier est décapité et les 2 autres ont la tête coupée. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et votre réponse au 64 900 ou alors par SMS depuis la Belgique au 63 22 ou alors par Facebook. Vous tapez facebook.com, vous tapez Mickaël officiel, vous m'ajoutez et vous verrez la colle. Vous pourrez même y répondre et repartir aussi avec les cadeaux, c'est-à-dire casque Beats by Dre ou alors la GoPro Hero 3 Plus Black Edition d'une valeur de 460 €. On donne la réponse avant minuit. Oksana, on te récupère tout à l'heure. Ok, ça va. A tout de suite, Oksana, c'est parti. Et puis on va surtout récupérer Guillaume maintenant là. Guillaume, t'es toujours là ? Oui, c'est toujours très bien. Là. Bon, Guillaume, ça fait depuis hier là qu'on te traîne là, Guillaume, avec Julie, là, la fille qu'il faut qu'on appelle parce qu'elle a plus confiance, parce qu'elle te donne plus de nouvelles. Bref, ça fait 3 jours qu'elle te donne plus de nouvelles. Et on est d'accord avec les auditeurs pour dire que ça pue du cul quand même, hein. Ouais. Ouais. Ah, c'est même très tendu. Je t'ai promis qu'on essaierait de la rappeler encore une fois. Je n'ai qu'une parole, on va le faire maintenant, Guillaume. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. On avait déjà essayé de l'appeler juste avant le son d'Avicii et ça n'avait pas décroché, c'était le répondeur. Avec un peu de bol, ça va décrocher maintenant, on verra. En tout cas, si t'écoutes Julie, décroche, comme ça on plie l'affaire. Ouais. On verra. Et puis on fera le je t'emmerde juste après avec Arnaud et Greg qui sont déjà prêts. Arnaud de Cergy et Greg de Chambéry. Et Guillaume, je pense que nous allons nous dire au revoir. Eh ben, nous allons lui dire au revoir. Allez, bon, écoute, lâche l'affaire, Guillaume. Elle te donne pas de nouvelles. Elle dit qu'elle a pas confiance. Il y a un moment, classe l'affaire. Hein. Dis-lui, écoute, c'est quoi, c'est pas grave. T'as pas confiance, tant pis. Trouve-en un mieux, tu vas voir. Allez, salut. Voilà. Et tu vas voir que c'est elle qui va revenir. Tu vas voir. Je te le promets que c'est elle qui va revenir. Si elle revient. Salut Guillaume. Salut, bonne soirée. Allez, à bientôt Guillaume, ciao à toi. Ciao. Ciao. Non mais en même temps c'est vrai. Tu vas voir qu'elle va revenir. Si elle revient. Si elle revient, c'est, voilà, ça va être comme ça. Bon, Arnaud et Greg qui sont là tous les deux, là. Comment ça va les gars? Ça va et ça, Michael? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Et Arnaud. Bon, mais il va bien. T'as pas marre de prendre des trucs dans le cul, toi, avec l'acide et puis. Non, mais là, c'était dur. Hein. God, là. Ah, bah là, c'était là, violent. C'était une première, hein, donc je vous raconterai après. Ah, ouais, première fois. Ouais. Il se prend de l'acide. Pourtant, il s'est déjà fait insulter, traiter de tous les noms, etc. Mais jamais comme ça. T'enfant de putain. Ouais, ouais aussi, ouais. Je veux pas voir ton cul, hein, putain. Tu m'étonnes, mais il vaut mieux pas. Hein, je pensais que le mec de Foriani c'était le plus fort. Mais on a trouvé mieux là. Il est encore au-dessus. Hein. Parce que le mec de Foriani est classe, parce qu'il veut traîner seulement. C'est vrai, ouais. Il veut pas te mettre de l'acide. Voilà, il te démonter ta gueule et t'envoyer au CHR. Pendant 10 heures, opération de 10 heures. Genre, mais ça, il est chirurgien, lui. Ouais, Arnaud. Et tu peux pas lui mettre plutôt de l'acide sur sa tronche, là, toi. Écoute, je pourrais essayer, mais je vais laisser faire le mec qu'on a appelé. Je sais pas dans quelle ville il était, mais pour le coup, je demande aux auditeurs d'envoyer des numéros de gens un peu nerveux. Pas des meurtriers, hein. Hein, si les mecs ont déjà. Oui. Hein, c'est pas la peine. Des gens gentils, mais énervés. Voilà. Bon, Arnaud et Greg, on va jouer au je t'emmerde. Le principe est simple. On va donc maintenant appeler des gens au hasard. Vous allez jouer l'un contre l'autre, Arnaud et Greg. Le but, arriver à placer un maximum de je t'emmerde dans une phrase cohérente. Donc pas arriver et dire je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Il faut arriver à trouver une histoire, ok? Ok. Et attention, okay. Il est formellement interdit de parler d'une lettre reçue. Ouais, okay, ouais, parce que sinon c'est toujours la même histoire. Oui, j'ai reçu une lettre, il est marqué je t'emmerde, blablabla. C'est ce qu'on fait d'habitude, donc il y a un moment faut trouver un petit peu d'imagination. Oui, oui. Donc ouais. Pas de lettre, pas d'email. Alors pas de lettre, pas d'email. Voilà. Et ouais. Pas de vous avez écrit dans ma maison je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Voilà, non, si, bon, ça peu importe, mais maintenant que t'as donné l'idée, on peut plus le faire, effectivement. Non, parce qu'ils l'ont répété 150 000 fois, ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, vous avez compris les règles? Ouais, ouais. Ok, y a pas de soucis. Bon, on y va, qui veut commencer? Arnaud ou Greg? Bah Arnaud, vas-y. Arnaud, bah Greg, on y va, c'est parti. Allez, vas-y Greg, on y va, t'es le premier donc, hein, puisque t'as voulu mettre ça sur la gueule d'Arnaud. C'est mal, Greg. C'est très mal. C'est un coup de pelle. Ah, exactement, oui. Ah ouais, hop. Message de bienvenue. Ah, voilà. Eh bah si tu veux, t'auras un message, si tu... Bah je peux t'en faire un pour te motiver, quoi, voilà, c'est ça. Ah, hein. Oui. Allez, vas-y. Tu peux en avoir un qui au PD que tu es enculé, va. Voilà, et toi aussi pour toi, tiens. Mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants. Oui. Voilà. Bon, allez, hop, c'est parti, Greg, on y va, on appelle le premier. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô et démarrer un maximum de je t'emmerde pour tenter de gagner le casque Beats by Dre. Allô? Allô? Oui, elle a l'air bien. Oui. Ouh. Oui, c'est Greg. Je t'en vais. Vous faites un faux numéro, hein. Non, c'est Greg, je t'en vais. Ah bah pas mal. Deux, c'est bien. Ah, ça nous fait deux, là. Ah, tu n'as pas été mauvais, tu as été très mauvais, Greg. Ouais, j'ai été très mauvais. Ouais. Deux, je t'emmerde seulement. Bon, c'est pas grave, il y aura une autre manche juste après. Hein. Arnaud, bah t'as un boulevard, ouais. Là. Hein. T'as deux, comment te dire que t'es bien, là, ah, en ouais, termes... Un boulevard, ouais. Ah bah oui, là, je te confirme. Bon, allez, on y va, c'est parti. Arnaud, c'est à ton tour. Greg, je te mets de côté. La même règle pour toi, donc, dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Allez. Oui. Oui, oui, allô, bonjour. Votre fils n'arrête pas de dire des je t'emmerde à vos camarades. Donc, j'ai demandé de copier pour 100 fois des je t'emmerde. Donc, faudrait qu'il se calme un petit peu avec vos camarades je t'emmerde. Donc, faudrait qu'il copie pour demain au moins 50 fois des je t'emmerde. Alors, mon fils a 4 ans. Mon deuxième a un an, donc ça m'étonnerait qu'il y ait des je t'emmerde, donc je pense que vous êtes trompé de personne. Non, mais moi je vous emmerde royalement, quoi. Mais... Vous rigolez, là, j'espère. Non, je ne rigole pas du tout, pourquoi? Il est pratiquement minuit, vous m'appelez, je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous racontez, mon fils a bien fait, donc je m'appelle c'est bon, Jean-Pierre. Quoi. Je m'appelle Jean-Pierre, en fait. Oui, et que je t'emmerde. Non, mais t'es nul. Non, c'est fini. Tu te tenais bien en plus. Ah oui, là, t'étais pas mal. Pourquoi t'as viré bidon? J'étais mort de rire. Bon, alors comment te dire, Greg, là? Ah bah c'est mort. Eh ben c'est ça. Bon Greg, c'est pas grave, il y aura la finale dans quelques minutes. Il en a fait combien du coup Arnaud là? 6. 6 contre 2, tout est gérable. Alors je te le dis direct, il n'y a aucun problème, tout est possible. Greg et Arnaud, restez là. On va revenir dans quelques minutes avec vous toutes et vous tous en direct. Avec Arnaud et Greg, on va savoir qui va gagner. Avec Oxena et sa colle. Lilian également qui voulait parler des machos. Et donc les filles, j'aimerais savoir si vous aimez, si vous kiffez les mecs machos ou pas. Et si vous êtes déjà sorti avec un macho, eh bien appelez-nous également. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Restez sur Fun Radio car dans quelques minutes, je vous envoie le nouveau son de David Guetta. Avant minuit, ce sera Shut Me Down. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Miguel, KL, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, on est en direct évidemment, hein, comme tous les soirs. Il y a un message de Eliria qui dit un mec macho, c'est relou, mais il faut pas qu'il soit. Il faut pas qu'il soit pas trop soumis non plus. Non, il ne faut pas qu'il soit pas trop soumis. Ouais. Donc, j'imagine que s'il ne faut pas qu'il soit trop soumis non plus. Ça, je voulais dire. Enfin, qu'il j'imagine. Ne soit pas trop Eliria. Soumis, ouais. Possible. Il y en a pas qui dit j'ai horreur des mecs macho. La plupart se prennent trop pour les rois alors qu'ils ne sont rien. Benoît qui dit mort de rire, vous me faites trop rire. Greg, il s'est foiré, j'ai pas eu mon message de bienvenue. Comment ça t'as pas eu ton message de bienvenue? Bah attends, je vais arranger ça immédiatement. Cause toujours enculé. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Dommage, il était bien parti Arnaud. Bah oui, mais il a foiré. Et Thomas qui a envoyé un message depuis l'application MIKL No Limit sur iTunes. Je rappelle que vous pouvez la télécharger gratuitement pour écouter l'émission en live, écouter les podcasts, participer à l'émission également, qui a envoyé Thomas. Non, il est déjà assez moche comme ça, Tof, donc pas d'acide. Oh, c'est bien, des gens qui pensent quand même à Tof, merci, c'est cool. Merci, c'est gentil. Ah, ouais. Je me sens aimé, ça me fait plaisir. Et Tess qui dit mon mec est macho, il aime son corps, ses potes, sa fierté et se vanter de ses muscles auprès de tous. Malgré tout, il sait dire je t'aime, c'est le principal. C'est oh, déjà ça. C'est choupinou. Mais appelez-nous les filles pour parler de ça, hein, des machos là. Les filles, les garçons, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous l'avais promis. Il y a David Guetta dans quelques minutes avec Shut Me Down qui va débarquer. C'est le nouveau, hein, que vous avez découvert sur Fun Radio. Je vous cadrerai aussi Jason Derulo. Avec Marry Me. Et comme on parle de cette magnifique chanson romantique, évidemment, je vous rappelle qu'il y a cette charmante auditrice d'hier, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, qui a fait une photo où elle a mis sur son ventre Polo, je te kiffe. Ouais. Et donc après, après avoir un petit peu de lucidité, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Donc elle a refait une photo, sauf qu'elle a marqué sur le haut de la poitrine. Je préfère Mickaël. Ouais. Et évidemment, elle a raison, hein. Donc vous pouvez aller voir, évidemment, liker, partager, faire ce que vous voulez. Vous tapez Mickaël officiel sur Facebook et vous verrez ça. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Twitter. Tapez Mickaël underscore officiel et l'underscore c'est le petit tiré en bas. Si vous m'ajoutez, eh bien je vous followerai par derrière également, mais que pour les filles, hein. Ce soit clair, évidemment, les garçons ce sera une petite poignée de main, mais pour les filles ce sera bien entendu un petit follow par l'arrière. Arnaud et Greg. Ouais. Bon, vous n'avez pas été très très bon, hein. Vous avez eu un peu d'imagination, mais pas assez. Bah, Greg a fait 2 je t'emmerde, Arnaud n'a fait que 6. Bon, du coup, Arnaud, on va continuer avec toi. Okay. Le principe est toujours le même, on appelle quelqu'un au hasard, et puis bah si t'arrives à placer un maximum de je t'emmerde, eh bien tu repartiras avec le casque Beats by Dre. Tu en as fait 6. Si tu fais moins de 6, on gardera 6 évidemment en score. Si tu fais plus que 6, on gardera le meilleur des deux scores, d'accord? D'accord. Que Greg devra bien entendu battre. Allez, c'est parti, on y va, je te souhaite bonne chance. Dès que tu n'entends plus la musique, tu dois dire allô. C'est parti. Oui, allô? Allô? Ah ben elle a raccroché, bravo. Très bel appel. Zéro. Non, je plaisante. On va en faire un autre. Quand ça raccroche direct, faut pas déconner non plus. Hein. Allez, on y retourne. Je me disais putain, on a de la chance, ça décroche direct et tout, c'est cool. Allez. Et mieux que 6 appels, que si je t'emmerde, pardon. Attends, il y a l'autre numéro, on va faire l'autre. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, je vous appelais car j'étais dans une sex party avec votre femme. Oui. Et elle m'a dit que... Enfin, j'ai dit que je l'emmerdais parce qu'elle voulait me squatter. Et moi, je l'emmerdais énormément. Mmh. Et elle m'a répondu la même chose, je t'emmerde. Ah non. Donc, faudra que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Donc, je vous emmerde aussi, donc je vous emmerde tous. Et je vous emmerde bien profondément, quoi. Donc voilà quoi. Donc ouais. Je t'emmerde très grossièrement. D'accord. Eh ben, toi écoute, et ta femme. je te propose quelque chose, c'est que tu raccroches très rapidement, parce que sinon je vais venir te défoncer la tête. T'as compris, connard? Bah, je t'emmerde. Ah là, il est parti. Attends, t'es mauvais ou t'es mauvais? Ce qui est bon, c'est que t'as la meuf derrière. Bah, arrête. Mais oui, parce que. Mais oui, mais il faut dire je t'emmerde, Arnaud, pas je vous emmerde ou vous m'emmerdez, etc. Une sex-partie, mec, t'as vu ça où? Il a quand même réussi à en placer quelques-uns, quand même, malgré l'histoire. Trois, certes, mais quand même. Parce qu'il faut bien mettre je t'emmerde, bien sûr. C'est ça le nom du jeu, pas je vous, il faut pas les vous voyez. Ouais. C'est-à-dire que tu les appelles pour les emmerder, tu vas pas les vous voyez en plus. Mais oui, alors j'étais dans une sex-partie avec votre femme. J'ai une sex-partie quoi. Écoute, l'histoire était sympa, moi ça m'a plu. Arnaud, bouge pas de là, on y va avec Arnaud qui doit faire mieux que 6 du coup, puisque le meilleur des deux scores d'Arnaud était 6. Greg, t'es prêt? Ouais. Allez, on y va, on appelle. Dès que t'entends plus de musique, tu dois dire allô et tu dois faire mieux que 6 je t'emmerde, pas je vous emmerde ou vous m'emmerdez, etc. On est d'accord? Allez. Allô? Allô? Allô, je t'emmerde? Comment allez-vous, madame? Je t'emmerde. Madame? Madame, bonjour, excusez-moi, je me permets de vous appeler, j'ai un petit problème, je t'emmerde. J'ai ma copine qui veut pas qui veut plus coucher avec moi, je t'emmerde. Comment je peux faire, je t'emmerde? Est-ce que vous pouvez me donner un conseil, je t'emmerde? Pour que je puisse pouvoir enfin me vider correctement. Elle a raccroché, elle a raccroché. C'est vrai qu'elle a pas dit grand chose, mais elle a raccroché que maintenant, on a entendu le ch'tic. Alors, ce qui nous fait combien de je t'emmerde? 5. Oh là là, 5 avant le raccrochage. Greg. Dommage. Ah ouais, pas loin. Bravo Arnaud. Bah merci hein. C'était pas loin pour une fois, c'était très serré là. Le casque Beats by Dre, Arnaud, il est pour toi, on va t'envoyer ça rapidos. Je te remercie. Avec plaisir. Passe une bonne soirée à l'écoute de Fun. Et puis Greg, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Salut à vous. Allez, ciao. On va récupérer Lilian dans quelques minutes avec son histoire. Il y a des potes à lui et des copines à lui qui le trouvent pas assez macho. Et il a pas assez de trucs à dire. Donc je voulais avoir vos avis, les filles. Est-ce que vous aimez les mecs macho? Est-ce que vous connaissez des mecs macho? Ou peut-être que même vous sortez avec des mecs macho? Appelez-moi maintenant. Donc vous appelez le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Il y a Emeline qui dit: j'ai pas eu mon message de bienvenue. Je viens d'avoir mon permis, une dédicace pour mon permis, sans dire mon nom de famille, mais juste Emeline. Bravo. C'est bien de préciser, mais à la fin, hein, Emeline. Oui. Hein, heureusement que je les cite jamais, les noms de famille, Emeline. Oui. Hein, je te jure, un petit message de bienvenue, allez, vas-y. Non, mais vous êtes une ordure. Voilà, Emeline. Il y a India aussi qui dit: coucou, je vous écoute tous les soirs, et j'aimerais mon message de bienvenue aussi, et en passant aussi pour ma sœur Cheyenne qui vous écoute. Ah bah, je vous fais une petite doublette. Oh, bande abrutis. Voilà, comme ça vous avez les deux d'un coup. Et Jason qui dit: vous êtes des malades, c'est juste mort de rire. En fait, ce qu'on peut, Jason, mais c'est gentil, merci pour le message. Bon, alors, on va avant de reprendre Lilian, il y a Maxime également là qui est avec nous là. Bonsoir Maxime. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Salut. Ouais, super. Bon, tant mieux, il y a David Guetta qui va arriver avec Shut Me Down. Hein. Tu connais le David Guetta, ce morceau-là? Ouais. Ah, le nouveau que tu as découvert évidemment sur Fun Radio, bien entendu, ou ailleurs. Bon, alors Maxime, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, en fait, voilà, je vais vous parler de ma première fois qui a été un petit peu bizarre. Alors explique. Ben, en fait, voilà, T'étais où la première fois? Je veux tout savoir, moi. Ben, en fait, ça a été fait en deux parties, en fait. Ah. Bon, vas-y, explique. En fait, la première partie, c'est dans un placard. Dans un placard? C'est-à-dire, le mari est rentré ou quoi? Ah ouais, c'est ça. Non, en fait, ma première fois, en fait, j'ai couché avec ma cousine. Ouais. Dans le placard. T'es dégueulasse. Mais ta cousine, attends, ta cousine, genre cousine, genre la fille de ton oncle ou de ta tante, ou une cousine super méga éloignée? Non, ma cousine, la fille de ma tante. Mais enfin, comment tu peux faire ça? Tu es sale. Pourquoi t'as fait ça? Dans un placard, en plus. Dans un placard. Tu te crois où? Dans Narnia, c'est ça? Non, mais pourquoi dans un placard? Bah parce qu'en fait, on voulait un endroit intime, et en fait, vu qu'il y avait sa sœur à côté... Ah bah oui, alors, un endroit intime, le placard? Mais oui. Bah ouais, voilà. Donc, je sais pas, puis vu qu'il y avait sa sœur à côté, on voulait se planquer, quoi. Oh. Ah, évidemment, j'imagine, ouais. Bah déjà que tu niques en famille, alors bon. Donc après, bah il y a sa sœur qui nous a entendu. Ouais. Donc après, bon, on a décidé d'attendre le soir pour continuer. D'accord. Ah, d'où le en deux parties. Voilà, d'où en deux parties. D'accord. Alors après, bah, on avait commencé, machin et tout, elle était sur moi. Et en fait, t'avais sa sœur à côté qui nous espionnait depuis derrière la porte. Et après, qui est rentrée, qui nous a dit: ouais, est-ce que je peux me joindre à vous? Attends. Ça veut dire que tu baisses ta cousine? Est-ce qu'on peut pas mettre un truc en bas là pour préciser que moins de 18 ans ne peuvent pas écouter. Allez, coupez la radio les moins de 18 ans. Hop, attends, on va attendre. Voilà, allez. Ah, il en reste un là qui se cache derrière. Il y en a 2-3 qui restent là. Allez. Coupez la radio, le téléphone, l'internet. Allez, Oli. Il en reste un. Attends, mets-lui un coup de matraque ou un coup de lance-flamme parce que là, il y a. Attends. Le petit là. Voilà, on se débarrasse de tout le monde comme ça, très bien. Donc, tu as baiser ta cousine. Voilà. Et t'as ton autre cousine, sa sœur. Ouais. Qui est venue pour faire une petite partie aussi. Voilà. C'est-à-dire que pendant que l'autre, elle était à quatre pattes et que tu lui donnais la fessée. Calme-toi, Toff, il est tout. Il frétille. Quelle horreur. Il y a la sœur de la cousine qui arrive et qui te dit. On a compris, Toff. Non, mais ça me choque. Il commence ce porc là. Non, mais il a raison. Explique-nous un peu plus précisément. Non, mais c'est dégueulasse. Comment ça fait. Je comprends pas. Explique-moi parce que je comprends pas, j'avoue, je sais pas. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer au gros PD que tu es. Non mais le truc c'est que juste en fait il y avait juste ma cousine qui avait je sais pas, elle était trop à fond sur moi, tu sais. Alors à un moment, tu sais, elle vient sur moi, elle me fait bon j'ai envie de toi. Donc je sais ouais, normal. Ça, d'accord. Normal. Cousine, bien sûr, c'est non. C'est un truc qu'on se dit entre cousins. Évidemment. Non mais surtout l'âge quoi. Attends, je t'ai pas vu avec l'âge, j'ai fait ça avec elle. Attends, j'enlève le. Je suis pas sûr que je veux savoir. Vous aviez une grande différence? Non, on a 2 ans de différence et puis moi j'avais 12-13 ans, tu vois. Oh là. Mais là, elle là, avait 14 là. Alors? Non, parce qu'elle était plus petite que moi. Oh là là là là. Mec, c'est là pas possible, là Maxime. Oh là là. C'est pas possible, t'as quand même pas fait ça avec. C'est pas possible. Bah si. Mais elle avait pas de poils, elle avait pas de seins. Mais enfin, ça, elle a même pas terminé là, elle a rien là. D'où la première fois. Non mais attends, mais je peux pas croire ça. J'espère, par pitié, je peux pas croire ça. Dis-moi que tu me mitonnes. Ah non, je te jure. Si, je te supplie. Dis-lui, c'est pas vrai. Dis-moi que tu me mitonnes. Non, mais je te jure, c'est vrai. Non mais dis-lui non, il vient de te dire, dis-lui que c'est pas vrai. Dis-moi que tu me mitonnes. Non, je m'étonne pas. Si, dis-moi, je t'en supplie, dis-moi que tu m'étonnes. Ah non. Dis-moi, je m'étonne. Ah non. Si. Non. Si, dis-le-moi. Ah non, je m'étonne pas. Dis-moi que tu m'étonnes. Ah non. Si. Bon d'accord, si je m'étonne. Ah putain. Ah. Oh bah ça va mieux. Alors vas-y, continue ton histoire. Bon, et t'as sa grande sœur, qui s'est ramenée après. Quel âge, histoire de finir le tableau. Alors elle avait 14 ans. Oh là là là là là là. Bon, enfin bon, par rapport à l'autre, elle est quand même déjà vachement mieux, hein, ma François. Ouais, mais voilà. Comme il m'étonne, on s'en fout. Mais ouais, vas-y, continue. Et puis après voilà, ça a fait son cours, quoi. Mais c'est pas possible. Mais attends, parce que à cet âge-là, ça enfin il y a pas de sève quoi. Bah elle avait pas encore de poils la petite, mais après, non je parle de toi, je parle de toi. Utilise d'autres termes parce que ça me dégoûte là. Ouais, parle normalement, je suis écœuré. Putain, tu peux pas faire des trucs dans des caves comme Toff, te faire fouetter des trucs sains quoi. Ça a l'air sain. Mais oui, du coup sur la croix de Toff, ça a l'air sain. Ça a l'air sain. Bon, attends, Maxime, reste avec nous. Il y a Thibaut qui voulait réagir aussi. Il y a Lilian avec les machos. Il y aura Oxana avec la colle. Et puis dites-nous comment ça s'est passé votre première fois. On en parle également ce soir. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va se faire le son de David Guetta maintenant. C'est le nouveau qu'on écoute maintenant. C'est Shut Me Down. Le nouveau David Guetta sur Fun Radio avec Shut Me Down. Restez là, il y aura Jason Derulo, je vous l'avais promis. Il y aura aussi 2000 le bateau, Neon Lights et puis Tony Junior. Voilà, ça je vous le cale avant 1h du mat. Je vous l'avais promis, ça va passer, il n'y a pas de problème. Et j'avais aussi dit que j'allais regarder si on avait le son de Dubs qu'on m'avait demandé tout à l'heure. Et je check immédiatement, car oui, je n'ai pas encore regardé, autant pour moi. Hein. Je mérite d'ailleurs un petit coup là. Hop là, voilà. Voilà. Non, a priori, je ne l'ai pas. Merde. Ah non, c'est DVBBS, j'ai mis de la merde, autant pour moi. Voilà, je revérifie. Et tu souviens du TikTok ou pas? Je ne me souviens plus, ouais. Pas du tout. D'accord, ok, très bien. Merci pour ton aide, c'était parfait. Je vais essayer de retrouver les messages. C'était un truc avec rêve quelque chose. Ouais. Rêve théorie ou rêve thérapie. Ouais, mais je l'ai pas malheureusement, ce Dubs là. Désolé, tu l'avais demandé, mais je l'ai pas dans la machine. Si jamais tu l'as, tu peux toujours me l'envoyer sans problème sur mikael@funradio.fr. Et puis si le son est bon, on le passera avec plaisir. Bon, Tess qui dit la première fois à 14 ans, horrible avec un mec de 18 ans, c'était une brute. Comme c'est pas permis en mode Hulk, très mauvais souvenir. Bah oui. Et Miss Moi 50 qui dit mon message de bienvenue, un bien propre s'il te plaît. Bah écoute, avec grand plaisir. Va t'en faire une culisse, Denis. Voilà, Miss Moi, avec grand plaisir également. Bon, allez, tous les messages qui arrivent et puis on va se refaire un tout dernier coup de la colle avec Oksana. Oksana, tu es toujours là? Oui, toujours. Très bien, Oksana qui n'a rien à voir évidemment avec l'actrice de boule. Non mais j'en suis très déçu. Bah oui, qu'on a reçu d'ailleurs. Oui, très gentil. Bon, on y va. Oksana, fais péter la colle s'il te plaît pour gagner, je le rappelle. Soit la GoPro Hero 3 Plus Black Edition qui vaut 460€, soit le casque Beats by Dre. On t'écoute. Ok, alors voilà. Trois marins sont sur un bateau. Le premier est décapité et les deux autres ont la tête coupée. Combien y a-t-il de morts? Alors, répète encore un coup. Trois marins sont sur un bateau. Ouais. Le premier est décapité et les deux autres ont la tête coupée. Combien y a-t-il de morts? Voilà, trois marins sont sur un bateau, le premier décapité, les deux autres ont la tête coupée. Combien y a-t-il de morts? Si vous avez la bonne réponse, eh bien je vous laisse encore 5 minutes là pour vous inscrire. Tapez M-I-K-L espace la réponse, vous envoyez au 64-900 par SMS ou au 64-900 ou au 63-22 pardon depuis la Belgique. Et puis depuis le Facebook, ça marche aussi, facebook.com/MIKL officiel. N'hésitez pas, venez nous rejoindre et si vous avez la bonne réponse, peut-être pour vous, la GoPro Black Edition, la Hero 3 Plus qui vaut 460€. Ou le casque Beats by Dre. Oksana, on te reprend dans 5-10 minutes grand max pour donner, ouais, voilà, pour donner la réponse. Je t'embrasse Oksana, tout de suite. Ouais. Salut, salut. Bon allez, on parle des machos dans quelques minutes comme promis. Et puis on va prendre également quelques messages qui sont arrivés hein, après l'appel de Maxime. Maxime. Ouais. Donc la première fois avec ses deux cousines, je tiens à le préciser. Il y a un message qui est arrivé de Samy sur le Facebook. Moi, ma première fois que j'ai baisé, c'était avec ma copine. Et je peux te dire que quand on baisse pour la première fois, on stresse un peu, mais c'est normal. Gaëtan aussi, je suis en train de vous écouter à la radio. Je suis plié en deux, je peux avoir un message de bienvenue. Vas-y. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer au gros PD que tu es. Voilà. Il y a Soussou aussi qui dit j'ai pas envie de te niquer ta gueule, c'est ultra crade. Let's be freaks qui dit je suis à la limite de vomir. Oui, parce que je rappelle qu'il a baisé sa cousine quand il avait 12 et elle 10, ce qui est quand même assez scandaleux. Jason qui dit je vous écoute depuis quelques soirs et je crois que je suis devenu accro. Je pense avoir droit à mon message de bienvenue également. Bah oui, c'est vrai. Allez vous faire enculer, gros PD. Voilà. Et hop, qu'est-ce qu'il y a aussi, Andouille qui dit j'en ai marre de rire. Ah bah oui, mais va écouter notre radio, Andouille. Tu vas te faire chier comme ça, t'arrêteras à rigoler, hein, tout simplement. N'est-ce pas qu'il dit cette histoire devrait être interdite au moins de 30 ans carrément. Et Orgagasmi qui dit mais c'est dégueulasse. Putain, plus tard, si j'ai une fille, je lui fais porter une ceinture de chasteté. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Ils en font des très bien avec géolocalisation maintenant. Ah bon? Ah ouais, bah oui, bah tu m'étonnes. Et Thibaut est avec nous maintenant de Longwy. Salut Thibaut. Salut. Ça va bien? Bah ça va et vous? Bah oui, ça va bien, ouais, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Tu regardes souvent la télé ou pas toi Thibaut? Bah ouais, tout le temps, ouais. Ah, tout le temps, c'est quoi ton émission préférée? J'aime bien un peu tout, mais je kiffe regarder Énergie 12 tellement vrai parce que j'aime bien foutre de la gueule des gens. Ah oui, bah là en termes de foutage de gueule, je pense qu'effectivement il y a de quoi faire. Hein. Parce que là, dans le petit journal, on a vu, on a une vieille en fait qui a tout compris à l'éducation sexuelle. Encourager des enfants de 9 ans à mettre des préservatifs à l'école et encourager les enfants de 3 ans à se masturber, c'est du vrai n'importe quoi. Encourager les enfants à se masturber? Oui, oui, il y a un programme scolaire avec un livre qui leur explique comment faut faire pour accéder tout de suite à la jouissance. Ah bah voilà, oui. Bah très bien comme ça. Bah c'est ça Maxime, aurait dû le lire. Ah bah oui, tu adhères, bah j'imagine, ouais, c'est assez clair. Hein. Et donc bienvenue chez nous, on a un candidat aussi, plein de classes. On a des compétiteurs là. Est-ce que t'es prêt pour la compète, Victoria? Je suis prête pour la compète, Guy. Moi du moment compète, ça va. Hein. Oh bah alors. Et puis dans ce live, il y a un ch'ti qui nous apprend correctement l'anglais. Oh, he's a very horrible, hein, you know. You know, I'm happy to play to slam. I am very happy to be there. To bizarre. Parce que oui. Bien sûr, le TH se prononce Z. Oui. C'est nouveau, hein, bien entendu. Enfin, lui, il est bon. Très bizarre quand même. Ah, il est très bizarre quand même, je le confirme aussi. Bon, Thibaut. Ouais. Bon, alors, tu voulais parler de ta première fois aussi, toi? Ouais. Bon, alors, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas aussi gore que l'autre, j'espère, rassure-moi. Ah, non, vous inquiétez pas. Ah, bon. Vas-y. En fait c'était un gros désastre parce que c'était une soirée normale quoi dans des bois avec c'était avec des potes et tout et j'avais ramené ma meuf et forcément il y avait de l'alcool quoi. Donc là, on devait coucher ensemble, tu vois, on s'était dit, ouais, et tout, on avait ramené des tentes et tout, mais à la fin, on était tellement bourrés que bah j'ai cru coucher avec, mais en fait, c'était pas avec elle, c'était avec une autre. Oh, et, c'est bon, ça. Bah, en fait, tout le moment, j'ai cru que je couchais avec elle et tout, donc j'étais content et tout, mais après, genre, un quart d'heure après, bah, je me suis rendu compte que c'était pas elle, et elle attendait dans une autre tente, et je me suis dit merde, j'ai fait le con, et après je suis allé la voir, puis bah après bon forcément je lui ai rien dit, mais je me sentais un peu mal quoi sur le coup. Ouais, mais non mais c'est bien parce que quand l'autre elle attend pendant deux heures là. Non mais moi je trouve ça bien parce qu'il a eu d'abord pu tu vois essayer avec une première et après il s'est dit c'est bon là je suis prêt pour aller le faire avec l'autre. Tu parles, oui. Il s'est dit c'est bon je suis mort là je dors maintenant. Attends il était fatigué. Non en plus parce qu'elle m'a dit quand je suis revenu elle m'a dit ouais ça fait quoi et tout, ça fait au moins une demi-heure que je t'attends. Et je lui dis ouais bah mes potes ils m'expliquent comment faire et tout parce que enfin voilà quoi mais bon j'ai pas trop dit. C'est genre je suis complètement idiot en fait, je sais pas comment on fait l'amour. Ouais, je sais pas où ça passe. Ouais mais surtout quand on était complètement bourrés, mais enfin voilà, c'est un délire de fou. Enfin bon après faut. J'espère qu'elle écoute pas parce que je suis toujours avec et tout, mais bon là faut dire que ça fait un peu le con quoi. Mais elle sait toujours pas que tu t'es foutu de sa gueule? Ah bah non toujours pas. Et ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça doit faire 2 ans maintenant. Ah ouais, d'accord, ok, mais c'est con, pourquoi? T'aurais dû lui dire à un moment, tu dis, bon, ouais, écoute... Ouais, mais ça le faisait pas, quoi, ça faisait 3 mois que j'étais avec, et première fois que je suis bourré qu'elle est là, je vais en voir une autre. Oui, bon, c'est vrai, effectivement, oui. Bah, c'est vrai que s'il écoute, là, pour le coup, t'es un peu dans la merde, hein, je te le dis, hein. Ouais, j'espère qu'elle écoute pas, quoi. Je confirme. Tiens, avant de parler des premières fois aussi, les filles, appelez-nous aussi, hein, 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Est-ce que vous êtes plutôt macho ou pas, vous, Maxime et Thibault, là, comme Lilian qui est avec nous, là. Toujours là, Lilian? Ouais. Bon, très bien. Est-ce que vous êtes plutôt macho ou pas, les mecs? Macho, ouais, plutôt, ouais. Genre quoi, un exemple de machisme? De machisme, ce quotidien quoi. Je vois une meuf au volant, je lui dis direct, tu sais pas rouler quoi. Ah oui, mais ouais. C'est pas macho, c'est con ça. Non, c'est vrai. Non, arrête, c'est non, con. C'est macho, c'est pas être con, ça. Bah c'est si, normal, si, c'est être con. Moi, je comprends pas les gens qui sont macho. Les mecs macho, je comprends pas. Bah oh, alors là, putain, c'est l'hôpital qui fout la charité. C'est le plus gros macho du monde. Non, c'est pas vrai. Arrête. Je suis pas du tout macho, mec. C'est lui qui a inventé le machisme. Ah bah bien sûr, évidemment, c'est lui l'inventeur. C'est de la misogynie presque. Ah bah lui, c'est pas du machisme. Mais non, faut pas le prendre comme ça. Non, on parle pas pour toi, Thibault, on parle pour Polo. Enfin, quoi que toi aussi, faut dire. Mais je m'en doute. Après, bon, il y a différents types de machisme. Quoi. Ah bah oui, mais ça je confirme. Moi, il faut dire la vérité, Polo aime les femmes quand elles ferment sa gueule et qu'elles se laissent bourrer. C'est ça. Et qu'elles font la cuisine. Ah non, moi aussi je les aime bien, surtout qu'elles font la cuisine quoi. Ah toi c'est pour la cuisine, ouais, on a reconnu la différence entre les deux, hein, c'est clair. Parce que d'après moi, une femme c'est juste bonne à faire la vaisselle et la cuisine. Bah mais non, toi t'es vraiment un idiot. Non, mais là il dit ça pour faire son malin. Il fait son kéké. C'est ça. Voilà, il fait le malin, Thibaut. Ça c'est pas faire le ménage. Mais n'importe quoi. Et quand ta meuf va écouter, là, qu'elle va apprendre qu'en fait tu t'es tapé une autre à la place de taper ta propre meuf pour la première fois et qu'en plus tu fais le malin, là, je pense qu'on va. C'est nous qui allons bien rigoler là derrière. Eh ben, je passerai à une autre, hein, c'est pas grave. Hein. Oh bah alors là, mec, tu viens d'aggraver ton cas encore plus, là. C'est-à-dire que là. Une de perdue, 10 de retrouvée, comment on dit. Bah ça dépend, c'est non, pas non. Toujours le cas, Thibaut. En général, c'est une de perdue. Hein. Tu sais, le dernier qui a fait ça ici dans l'émission, c'est Valentin. Et il s'est fait déchirer, tu te rappelles? C'est vrai. Ouais. Exactement. Il a voulu faire le malin, il s'est fait déchirer par la petite Marie, puis on n'a plus jamais entendu parler de lui. Bah, je pense qu'il n'est plus de ce monde, c'est terminé. Donc ne fais pas le malin avec ta meuf parce que tu la kiffes secrètement. Tu lui achètes des gâteaux, des petits bonbons et des fleurs, et là tu viens faire le fier à bras devant nous parce que nous on est des vrais mecs. Mais exactement. Ça marche pas, mec. Ouais, non, tu le demanderas à Valentin. Voilà, exactement. Et on l'a demandé à Valentin et depuis, mais plus de nouvelles. Je le pensais pas vraiment. Hein. Ouais, il répondait ça derrière. Exactement. Ouais. Oui, je le pensais pas vraiment. Bah si, mais en même temps, il était quand même célibataire. Hein. Si Valentin nous écoute, hein, qu'on ait des nouvelles, ce serait bien. Bon, bah merci Thibaut d'être passé. Ah mais merci à vous. Hein. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Voilà. Ciao à toi. Ok, je vous remercie. Au revoir. Allez, bye. Maxime, merci d'être passé également. Bah de rien. Et tu reviens quand tu veux. Et racontez-nous encore vos premières fois là. Comment ça s'est passé? Bien ou mal? Vous avez kiffé ou pas? Est-ce que le mec était bien? Est-ce que le mec était macho justement? Puisqu'on en parle aussi avec Lilian qui est encore avec nous. Eh bah 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Vous nous appelez sans problème. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. J'attends vos appels évidemment avec impatience. Vous pouvez aussi envoyer tous vos messages sur le Twitter en tapant Emickel, le hashtag Emickel, et en m'ajoutant, tapant Emickel officiel évidemment. avec le underscore. Ou alors sur Facebook, bien sûr, hein, Mickaël officiel également. Il y a Andouille qui dit je peux pas m'endormir, c'est tellement trop intéressant. Et le prince qui dit espèce de connard, une fille est juste bonne à faire la vaisselle, le ménage, la cuisine, tu finiras seul. Oui, c'est vrai. Et Jason qui dit trop fort le Thibaut, c'est ça, les mecs évidemment sont d'accord. Et Johan qui dit trois nuits d'affilée que je vous écoute, je suis fan, pourriez-vous m'accorder un message de bienvenue? Eh bien. Je te l'accorde. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà. Et le prince qui dit moi, première fois, il lui a 21 ans. Oui, je sais, c'est tard. Et en plus, c'était horrible. J'ai eu mal comme première fois. Et bah, moi, c'était à. Je sais plus si c'était. J'hésite en fait parce que c'était pas loin des 17, mais je sais plus si j'étais encore dans 16 ou 17. Bon, enfin, on va dire 16-17 la première fois. Et toi, quel âge, Polo? 17-18. 10 tard, très 17-18. Ouais, vers la fin, ouais. D'accord, Toff. 16, ouais. D'accord. Est-ce que vous voulez que Toff nous raconte sa première fois? Eh ben, écoute, j'allais me demander parce que je la connaissais pas. C'est une très belle histoire. Oh là là. Alors, pour les fidèles, vous l'avez déjà certainement entendu mille fois, mais il y a des nouveaux auditeurs. Regarde, il y a la plaque qui arrive en disant ah, j'écoute depuis deux jours, je viens d'écouter, etc. Eh bien, vous allez pouvoir entendre la première fois de Toff, justement, après ce magnifique flow. D'accord. Hein, Marry Me. Ah bah oui, ça va trop bien avec ça. Ça va super bien. Ah oui. Jason Derulo, c'est maintenant sur Fun, c'est la nuit sans pub, c'est Mickaël No Limit, 23h-2h, bienvenue. 105 is the number that comes to my head and it don't. Jason Derulo sur Fun Radio à l'instant, c'était Marry Me. Il y aura 2000 Vato dans quelques minutes. Sauf pas, mais voilà, marchait pas. 2000 Vato avec Neon Lights. We'll be shooting stars just passing by. Et Tony Junior, Twerk on Them. C'est ce qui va arriver sur Fun Radio, évidemment, donc ne bougez pas de là. En plus, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a plein de messages qui arrivent et il y a également la photo de cette charmante demoiselle qui avait envoyé hier un message en mettant qu'elle kiffait Polo sur son ventre. Vous l'avez d'ailleurs, un charmant soutien-gorge que nous pouvions voir sans problème. Et donc, elle a réfléchi et après réflexion, la lucidité a la gagné et c'est mieux où elle a mis que finalement elle préférait Mickaël. Et là, elle l'a marqué au-dessus de sa poitrine, donc voilà. Je suis pas jaloux, s'il y a une autre fille qui s'intéresse à moi, n'hésitez pas à Polo et Fun Radio. .fr. Évidemment, ce sont les vaches maigres en ce moment. Si je puis juste me permettre, par rapport à cette. Oui, que je puisse me permettre de critiquer un truc, c'est qu'effectivement, on la voit comme en mode sexy avec le soutien-gorge, mais par contre, le jogging en dessous. Bah, faut voir quoi. Moi j'ai rien à faire. Ouais, on va nous mettre un petit shorty quoi. Ouais, même un petit, là, avec un shorty, on aurait effectivement eu un dos totalement différent. Mais bon. On va pas se plaindre non plus, hein. C'est pas tous les jours que ça arrive, donc bon. Y a Tess qui dit Mika, raconte ta première fois. Et oui, Toff, raconte ta première fois également. Bon, alors ma première fois, d'abord je vais laisser Toff faire, hein, je ferai la mienne après. Alors vas-y, on aura Sébastien, Enzo, Lucille également pour parler des premières fois et Justine également. Bon, alors la première fois de Toff, alors musique de première fois. Bien sûr. Bon, alors c'est parti. Alors la première, ma première fois c'était à Londres déjà, donc faut replacer les choses en contexte. Oh yeah. Non mais non, parce que donc j'étais parti, tu sais, c'est les genre les échanges, genre moi je vais chez un mec à le. Attends, je peux temps mort. Et Toff, il me raconte comme si je la connaissais. Mais oui. Non mais je te la raconte à toi, parce que comme ça tu vois j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Ah, vas-y, je t'écoute. Non. Merci Polo. Donc on part tu sais les échanges linguistiques. Donc moi je vais pouvoir apprendre l'anglais. Ah, il a échangé la langue. Ah ouais, là. Et il y a eu de l'échange de langue. Grave. Et donc il y avait un mec qui venait chez mes parents. Enfin bon bref. Donc je pars là-bas. Tu tapais ta sœur ou pas? Non, je crois pas. Je crois qu'elle était pas là non plus. Ah d'accord. Non, mes parents l'été ils aimaient bien se débarrasser de nous. Ouais, bah du coup ils prenaient un anglais. Voilà, comme ça ils étaient tranquilles. Donc je pars là-bas et donc un des soirs on sort dans une boîte à Londres et là il y a une meuf voilà ça se passe bien, bon je pense qu'elle était un peu bourrée moi aussi Toff avec son petit short en éponge là du foot qui court sur Piccadilly. Voilà. Et donc à droite. Voilà. Et donc à Londres, pour rentrer, il y a l'équivalent du noctilien qui te ramène, qui traverse tout Londres. Et donc elle me dit ouais bah viens on le prend ensemble, machin. Et donc à un moment c'est le bus quoi. Ouais voilà, c'est le bus mais qui te ramène la nuit quoi. Et donc on se retrouve au deuxième étage des bus londoniens, les fameux bus impériaux. Et à un moment on est tout seul. Et donc, ah merde. Et donc là, j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin. Le jour de la marmotte. Non, parce qu'il faut savoir qu'on connaît Toff depuis, moi ça fait 16 ans, Polo ça fait presque 10, ouais. Que son histoire ça fait 100 fois qu'on l'entend. Donc c'est parce qu'on vous aime bien qu'on lui laisse vous la raconter. Parce qu'il y a Camélis qui dit moi je suis là depuis le début de l'émission et j'ai pas encore écouté l'histoire de Toff, ça a l'air intéressant. Donc voilà, c'est pour des gens comme ça qui ne connaissent pas encore cette histoire qu'on l'a subi une fois de plus. Il faut savoir pendant tout un temps je l'ai changé à chaque fois. C'est vrai, mais enfin bon alors vas-y. Donc là je remets l'original. Ouais. Mais je rechangerai les prochaines fois qu'on en parle. Et donc on est dans ce bus, machin, on commence à chauffer. Et donc elle a l'anglaise qui se dit ouais, je vais me taper un French lover, ça va être génial. Et donc en fait ça a duré 15 secondes vu que c'était la première fois. Et donc la meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rhabillée, à l'arrêt suivant elle est descendue. Ah bah pas mal l'histoire quand même. Voilà, comme quoi vous imaginez un truc de c'est bien parce que en fait non. Parce que moi c'est classique, hein. J'ai pas toute cette expérience Londres tout ça. Moi c'est bon, tu pécho dans une boîte puis je la baisse dans l'hôtel quoi. Ah ouais non. Sale moi... quoi, mais pas sale, mais tu sais c'était enfin c'est pas bien. Enfin j'ai pas aimé. Hein. J'aurais voulu vivre un truc un peu plus classe comme un ça. Un peu plus romantique. Ah ouais, ben moi c'était le plus basique de la terre du monde que l'univers n'ait jamais connu. Hein. Dans un placard. C'était pas dans un placard. Avec ta cousine. Ah non. J'ai de charmantes cousines mais non. Mais non, moi la première fois c'était avec une Sicilienne. Ah. Ah, une Sicilienne, bon. Tu risques ta vie là, à chaque fois. Bah, j'ai risqué, bah, et c'est pas peu dire. Hein. Que j'ai réussi à pécho très rapidement, Toff. Ah bah, oh là là, Oh, le biographe, c'est attends, son biographe. Laisse-moi me souvenir, en 5 mois Non, je crois que c'était 7 ou 8. Hein. Ah oui, bon. Alors, ah non, ouais. Le mec, ah non, il faut quand même que je raconte cette histoire. Et parce j'étais dans la même école. C'est mémorable. Pourtant, on était dans la même classe encore. Attends, en plus. Ils étaient dans la même classe, ils prenaient le même bus, ils habitaient à 1 km d'écart. Ah oui, on était dans le même quartier et tout. Hein. Et donc tous les soirs Mickaël me dit ah il y a une meuf et tout, elle est bonne et tout, mais tu lui as parlé? Non j'ose pas et tout. Bah bon, vas-y donc... je lui parlais, on était à la même classe. Au début tu lui demandais son crayon en papier quoi. Au début ouais, pas. Voilà, ouais. Puis après petit à petit la relation s'est faite machin. Et donc tu voyais que la meuf elle avait qu'une envie, c'était qu'il la pécho. Et non je crois qu'elle a pas envie. Non je lui ai dit un truc, ça lui a pas plu. Non mais vas-y, roule-lui une pelle, tu verras bien la réaction. Non, je crois qu'elle a pas envie. Bon ok, vas-y. Mais non, mais elle avait pas envie. Après, il se fait qu'avec le temps... Avec le temps, c'est elle qui l'a pécho. Oh, dis la vérité. Oh, tu t'es fait pécho, Mike, grand. C'est bon, fiché, hein. Il a raison. Il s'est fait c'est la pécho. Classe. C'est-à-dire que la meuf, elle a tellement attendu, au bout d'un moment, elle a dit ok, c'est bon, j'y vais. Vas-y. Non, c'est arrivé, mais je suis pas sûr que c'est avec celle-là. Ah, je sais plus maintenant. Si, c'est avec elle, celle qui t'a pécho. Pourtant, ça fait pas assez longtemps. Non bah non, ah bah non. Non ça fait quoi C'était hier. J'ai 22 ans, c'était il y a 16 ans, c'était il y a 5 ans. 5-6 ans max. C'est pas parce que t'as 40 ans qu'il faut que tu te la racontes. C'est ça, mec. L'autre il a bientôt en fait, 40 balais là, c'est vieux clochard là. C'est que ma vie s'étire alors que la vôtre se rétrécit. Mais t'as 40 ans, t'as 40 ans. Mais c'est parce qu'on alors, est pas dans le même univers avec voilà, toi, c'est pas ça en fait. On vit dans des mondes parallèles. On est dans les mondes parallèles, exactement. Je sais pas si vous avez vu Fringe, et bah c'est ça, on est dans le monde des gentils et l'autre il est dans le monde des connards. Les enculés. Voilà, c'est où ça. Où ouais, le temps passe plus vite. Voilà, donc ça c'est la première, on verra avec Polo et Alexandro les premières là. Bah bon. J'ai passé moi, classique, rien de extraordinaire. Quoi ? Ah, c'était au Othello. Bah oui, une meuf dans les boîtes. Bah attends, moi je suis un mec de banlieue, mec. Tu croyais quoi? Tu croyais qu'il allait la ramener? Ouais, mais t'es un vrai mec de banlieue ou t'es comme sur d'autres émissions où ils font semblant que. Ah non, moi je suis un vrai de chez vrai. Mais j'ai changé, j'ai pris des cours pour parler normalement. Est-ce que t'es un mec de banlieue de Neuilly? Ah non, moi je viens du fin fond de la banlieue, mec, à l'ancienne. Tu m'aurais vu avant comment je parlais, c'était là. Ah, tu peux nous faire un en sortant de la boîte, il a dit à la meuf, hein, et la meuf elle lui fait on va chez toi, il a fait ouais, t'as 2 heures à pied. Ah non, mais faut pas rigoler. Bon, et donc tu l'as pécho chez toi, basta. Non, pas chez moi, dans un hôtel, pas chez moi. Oh là là, il avait pas le choix. Pourri, hein. Comment tu voulais qu'il aille chez lui? Ils allaient attendre le RER jusqu'à 6h, la meuf elle aurait plus envie. Hein. C'est clair. Tout ça sur le banc à l'ancienne. Ouais, c'est clair. Bon, alors il y a Enzo qui est avec nous pour la première fois là. Salut Enzo. Ah non, merde, excuse-moi Enzo, attends, on va d'abord faire la colle avec Oxana parce que sinon on est à la bourre. Oxana, est-ce que tu es là? Ah oui, toujours, bon, j'attends. Avant, bah je me doute. Alors en même temps, dis-toi qu'au plus on attend, au plus t'as de chance que la personne ne décroche pas. Hein, donc. Moi, ouais, je serais toi, pas comme ça. Je serais pépère. Bon, c'est comment ta première fois, toi, Oxana? Si tu l'as déjà fait. Délicat. Comment ça, délicat? Délicat parce que je ne l'ai encore jamais fait. Ah bah voilà, bah alors c'est pas délicat, alors c'est que tu l'as pas fait, c'est pas grave. J'ai un créneau entre le 7 février et le 27 mars. Voilà. Non, mais voilà, si tu l'as pas fait, y a pas de problème. À ton aise, Oxana. Je ne force personne, t'inquiète. Non, je suis pas gênée de ça. C'est pas et tu l'as pas fait pourquoi? Parce que t'as pas trouvé le bon? T'attends le mariage? C'est quoi la raison? Non, parce que j'ai pas trouvé le bon. Ah bah ton mec sera ravi. Parce que t'as dit que c'était ton mec. T'étais avec un mec. Non, pas du tout. Ah bon, alors d'accord, ok. C'est bon, j'ai pas compris. Déduit, à mon avis. Ah mais je pensais que, autant pour moi, c'est moi qui ai mal compris, c'est pas grave. Ah ouais. Bon, Oxana, on va faire la colle maintenant, c'est parti. On va donc appeler le ou la gagnante, puisque tu as posé une colle depuis le début de l'émission. Et si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond à la question qu'on va lui poser, enfin que tu vas lui poser, eh ben ce sera gagné pour lui et perdu pour toi. Si ça ne décroche pas, donc la réponse est mauvaise, évidemment, à ce moment-là, c'est toi qui gagnes. Bah, j'imagine. Hier, ça n'a pas décroché, cela dit. Allez. bah, ça a l'air d'être plutôt positif là, Oksana. Hein. Deuxième fois que ça décroche pas, dis donc. Alors 06. Oh, attends, on va quand même demander au répondeur, hein, c'est normal, on va quand même lui poser la question. Après le bip sonore, voilà. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Salut, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Je t'appelais pour voir si tu avais la réponse à la colle d'Oksana qu'elle va répéter maintenant. Oksana, vas-y, on t'écoute. Salut, donc voilà, trois marins sont sur un bateau. Ouais. Le premier est décapité et les deux autres ont la tête coupée. Combien y a-t-il de morts? Voilà, est-ce que le répondeur a la bonne réponse? On attend. Non, malheureusement, pas de réponse. Ah, hein. Oh là là. Eh ben bravo Oksana. C'est gagné. Ben oui. Alors, casque Beats by Dre ou la GoPro tu veux Oksana? La GoPro bien sûr. Je pars au ski au carnaval donc. Ah sympa, tranquille. Eh ben parfait Oksana. Tu vas pouvoir faire des vidéos de ouf. Est-ce que tu skis bien ou pas toi? Oui, relativement. Bon, je suis pas une experte, mais je me débrouille quand même assez bien. Bon, eh ben écoute, très bien. Tu vas dans quel coin faire du ski? En France, à Valsenuy. Où ça? À Valsenuy. Valsenuy? C'est où ça? Valsenuy. Valsenuy? Je ne sais pas, je demande immédiatement à Google Maps. Je connais Val-Torrent, c'est tout près de quoi? Tout près de quelle grosse station? Un petit coin assez sympa. Et c'est tout près de... Il y a une grosse station tout près, juste par curiosité? Il y a des champs tout près. Je ne sais pas, en elle-même, c'est une assez grosse station. Bah non, on la connaît pas. Non, parce que je connais Val-Torrent, Limenuire, il y a Ancières, il y a Isola, il y a la... Mais là, j'ai jamais entendu Valsenuy. Valsenuy, c'est Valsenuy. D'accord. Non, on est déjà allé à Serre-Chevalier aussi. Serre-Chevalier, oui, ça me dit quelque chose, mais Valsenuy, je ne sais pas. Ah oui, c'est plus loin encore que Limenuire. Ah d'accord. C'est okay. Plus loin vers la frontière. Ok, bah je savais pas, très bien. Eh bah écoute, Oksana, la réponse c'était quoi du coup? C'était un seul mort. Comment ça, un seul mort? Parce que y a, donc le marin est décapité. Ouais. Et les deux autres ont la tête coupée, mais. À la tête du marin. D'accord. Bien vu, Oksana. Pas mal. Ah, merci. Eh, bien vu. Bah écoute, t'as été récompensé, quoi qu'il arrive. Eh bah bravo. Même s'il y avait apparemment des gens qui avaient trouvé la bonne réponse, mais la personne qu'on appelait n'a pas décroché. Dommage. Je regarde un petit peu. Il y en avait pas mal qui avaient la bonne réponse. Bah oui, mais après, faut décrocher aussi quand on appelle. Hein. Mais oui. Bon, Oksana, je te fais des bisous quand même. Bah merci à vous, je peux faire une petite délie. Allez vas-y, il y a une seule personne, okay, vas-y. Avec un petit peu de retard, mais joyeux anniversaire à Alice qui est en train d'écouter pour le moment. Oui, elle avait son anniversaire il y a 7 mois. Oui, effectivement, je suis un peu à la bourre, je suis désolé. Non, c'est pas grave. L'important c'est d'y penser. Voilà, mais t'inquiète pas, elle va t'offrir une GoPro, elle m'a dit, donc t'inquiète. Voilà. Pour se faire pardonner. Salut Oksana, je t'embrasse, ciao. Salut, bonne allez, soirée, à bientôt bisous. Aliège, ciao à toi, bye bye. Bon, allez hop, on va récupérer les premières fois maintenant avec Sébastien. Avant ça, il y avait d'abord Lilian, toujours là Lilian. Ouais. Ouais, toujours là. Bon, on va parler donc des matchs avec Alexandra dans quelques instants. Alexandra qui est avec nous, 24 ans, de Chemin dans le Jura. Salut Alex. Oui, salut. Ça va bien? Ça va. Bon, juste après 2000 Levato, on va parler des matchs. T'en connais toi des matchs apparemment? Ah oui. Eh ben très bien, ben, reste avec nous, on va en parler juste après le son de 2000 Levato. Restez tous là, c'est Fun Radio, c'est Mickaël No Limite, il est minuit 30. On est en direct sur Fun jusqu'à 2h comme tous les soirs du lundi au jeudi. Et puis le dimanche de 20h à minuit, je rappelle également que dans quelques minutes, on va faire quelques appels encore avec Toff à base de soldes, puisqu'on s'est rendu compte que 71% des Françaises préféraient faire les soldes plutôt que de faire l'amour. Oui, donc on appelle. Triste. Bah oui, donc on appelle des gens pour voir si c'est le même cas chez elles aussi. On fait ça après 2000 Levato et Neon Lights. Be still my heart, cause it's freaking out. 2000 Levato sur Fun Radio, c'était Neon Lights, il est minuit 32 sur Fun, on va parler encore des premières fois, on va parler avec Lilian également, des mecs machos et avec Alexandra, mais avant toute chose, faisons un tour du côté de nos amis, évidemment, nos futurs nouveaux amis, enfin surtout ce Toff, hein. Tout à l'heure il y en a un qui voulait quand même lui mettre de l'acide sur la gueule. Non, de l'acide dans le cul. De l'acide dans le cul, pardon. Et donc du coup, ben, je rappelle que 72 ou 71, enfin je sais plus, on n'est pas dans le détail non plus hein. On va dire 3 Français sur 4 et bien préfèrent faire les soldes à faire l'amour. C'est scandaleux. Ce qui est quand même assez bizarre. Non, c'est faire l'amour à faire les soldes. Faire l'amour à faire les soldes, totalement. Ça dépend des soldes. Et si c'est intéressant, moi aussi je pense que je vais aller faire les soldes. Non mais si tu trouves de la sable pas trop cher. Alors que tu peux trouver une meuf pas trop chère. Mais je paye pas. Mais quoi que si elle est bonne, je paye. Ah bah d'accord. Bah bon, oui. Vous avez été nombreux comme d'hab, envoyez des numéros à Toff, la toph@funradio.fr. Et bah on continue les appels maintenant, c'est parti. On vérifie donc si les gens sont plutôt du même avis quoi. Bah c'est ça, enfin surtout comment ça se passe chez eux. Bah voilà, c'est ça. On y va, on appelle, c'est parti. Allez. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle, je voulais savoir si votre femme préférait faire l'amour ou plutôt faire les soldes. Qu'est-ce que vous racontez? Bah, je voudrais savoir si votre femme préfère faire l'amour ou plutôt faire les soldes. Je me mêle de quoi? Comment ça? Je me mêle de quoi? Bah, rien, je vous pose une question, monsieur. Bah, allez, faites des blagues ailleurs, monsieur. Mais c'est pas une blague, monsieur, c'est une question. Mais une question, vous demandez à votre femme si elle a bien fait l'amour ou elle a bien fait les soldes. Ben oui, mais c'est à vous que je pose la question, monsieur. Mais je pose à vous, votre femme, qu'est-ce que préfère, faire l'amour ou faire les soldes? Ben, je sais pas, moi, j'ai pas de femme, monsieur. Et alors, va-t-elle faire foutre? Mais enfin, monsieur... Ah, oui, bah, va les faire foutre. Bon, je bah, pense très bien. Que c'est un portugais. Ah non, moi, c'est plutôt un italien, je pense. Tu crois? J'ai l'impression. Il m'a semblé. Ouais, d'accord. J'ai l'impression. Bon, on rappelle. Va les faire foutre ou va te faire foutre? Ah ouais, c'est... t'as raison, la nuance. Hein. Allez, on rappelle. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Oui, ben coupé pourquoi? Ben parce qu'en fait je voulais savoir si vous préférez faire l'amour ou plutôt faire les soldes. Ben vous posez des drôles de questions quand même, monsieur. Ben pas du tout madame, c'est juste une question comme ça pour savoir. Ben écoutez, moi je fais pas les soldes et je fais l'amour, ça va? Ah ben voilà. Vous êtes satisfait? Ah ben très madame. Ah bon, voilà. Eh ben une bonne soirée, au revoir. Merci également, au revoir. Arrêtez d'embêter les gens avec ces conneries, monsieur. Mais c'est pas une connerie madame, enfin. Oh bah non, alors, bah non alors elle est fâchée. Bah oui, on va la rappeler pour s'excuser. Ah bah oui. Non ça va pas. Voilà, on va la rappeler. Allez, on y retourne encore une fois là quand même. Hein. Allez. Oui, excusez-moi, mais vous êtes pas énervé quand même. Non mais t'as fait le foot, c'est la question, si moi je téléphone chez toi, je demande à ta fille, à ta femme, si tu préfères faire le sort de faire l'amour, me casser les couilles maintenant, ça va? Mais oui, mais moi je vous appelais gentiment, monsieur, c'est pas la peine mais de... Mais gentiment, mais c'est pas de blague qu'on fait, ça va? On va faire une blague ailleurs, je te dis, ne téléphone plus. Mais c'est pas une blague, monsieur, je veux pas que vous soyez fâché. S'il vous plaît? Non, je dis, je veux pas que vous soyez fâché, monsieur, ça me gêne. Mais ça me gêne, mais ça me gêne, à toi ça te gêne pas? Si tu téléphones à ta femme, on va dire si tu préfères faire le sort de faire l'amour. Bah oui, mais y a rien. Bah moi j'ai pas de femme mais je m'en fous. Mais t'as pas de femme, mais t'as une femme par exemple, ta fiancée, ta copine. Oui. Bah je préfère... Y a quelqu'un au téléphone, tu penses quoi? Bah je préférerais qu'elle préfère faire l'amour plutôt que de faire les soldes, ça m'éviterait de dépenser trop. Mais alors, où est-ce le problème? Bah y a pas de problème monsieur, c'est pour ça que je voudrais pas que vous soyez énervé. Bah ça va, je suis pas énervé, ça va. Vous êtes sûr hein? Ouais c'est sûr. Non mais certain, on part pas fâché monsieur. Bah, allez, bonne nuit. Hein. Au revoir monsieur. Voilà, bon, voilà. Ça va, on n'est pas parti fâché, ça me rassure. Exactement, et c'est vachement mieux comme ça, c'est clair. Ah oui, j'étais inquiet. Bon, Tony Junior va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio, donc bougez pas de là. Si vous voulez écouter un son aussi, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas pareil. Un point sur le top tweetos peut-être en speed? Bien sûr. Bah, voilà, alors, pour l'instant, je rappelle que c'est le deuxième ce soir qui gagne et que le top tweetos remarche depuis ce soir justement. Il faut en être parmi les 5 plus influents sur le Twitter de l'émission et ce soir en particulier être numéro 2 pour repartir avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Allez, qui est le numéro 5? Fred S. Numéro 4. Holly Fun. Numéro 3. Magda. Numéro 2. Cédric. Numéro 1. Let's be freaks. Très bien, je rappelle que si en numéro 2 c'est quelqu'un qui a déjà gagné le sextoy, on ira voir numéro 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas encore gagné, cela tombe sous le sens. Il y a Magda qui dit justement, vous assurez grave toute l'équipe, je suis contente d'être tombé sur vous par hasard. Depuis le mois de septembre, je ne vous quitte plus. Merci Magda, je te fais des bisous. Il y a Flora aussi qui dit Mickaël, lol, qui l'aurait dit, je suis devenu super addict de Mickaël No Limits. Bah merci Flora. Pourquoi qui l'aurait dit? T'aimes pas ce genre d'émission d'habitude Flo? Kevin également, première fois 13 ans perso avec la personne avec qui je suis actuellement depuis un an. On s'était perdu de vue 9 ans la première fois, c'est inoubliable. C'est vrai. Non, je me souviens pas spécialement tellement c'était basique. Donc je me souviens pas vraiment en particulier quoi. Ouais, moi, j'avais pas bien. Été très très long. Ah moi je me souviens que j'étais très mauvais. Hein. Ah ouais, j'avais pas été très très long. Bon, j'avais pas tenu 15 secondes non plus, mais voilà, peut mieux faire quoi. Ouais. Voilà, peut mieux faire. Bon, on va parler avant des premières fois, on termine avec Lilian là qui y a des amis à lui qui trouvent qu'il n'est pas assez macho et il y a également Alexandra qui est avec nous. Salut Alex. Salut. Comment vas-tu, dis-moi? Ça va, ça va. Bon, très bien. Alors, par rapport au macho toi, t'en penses quoi? L'écoute bien Lilian hein. Alors moi j'ai bossé pendant 6 ans dans le bâtiment à me faire traiter de salope parce que je travaillais dans le bâtiment. Ah, c'est à me bon, dire ça. Que en fait les femmes elles venaient bosser pour se faire sauter et à avoir un mode d'apprentissage qui m'a fait mais qu'est-ce que t'es parti faire dans le bâtiment? Mais tu faisais quoi dans le bâtiment? Bah, elle allait se faire sauter, elle vient de te dire. Non, tu faisais quoi dans le bâtiment? J'étais pas une décoratrice. D'accord, alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Mais je sais pas, mais moi je suis pas. Bon, moi je suis un mec, mais jamais j'ai retravaillé dans le bâtiment. Tu te dégueulasses les mains bien. Et tout. Mais oui, mais sale. Après, il y en a qui aiment bien. Bah, je sais pas. Bah oui, bah voilà, après il y en a qui aiment bien, si tu veux. Bon, et donc ah du coup. Si, j'aimerais bien être dans le bâtiment pour foutre des parpaings dans la gueule de Toff. On n'était pas obligé d'aller dans le bâtiment pour ça. Ouais, c'est ça en fait. Je peux aller t'en acheter un ou deux et puis on fait un fer. Et puis après, tu fais plaisir, quoi, tout simplement. Ouais, sinon, il y a deux amis, hein. Merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, mais non, ça, il m'a fait de la merde à notre ami stagiaire, là, c'est dommage. Bon. J'avais le coup de l'acide. Bon, bref. Je t'ai coupé la parole, désolé. Du coup. Non mais c'est pas grave. Donc moi j'ai mon maître d'apprentissage qui lui était derrière moi à me pousser tout ça pour que tout se passe bien. Ouais. Et au final je commandais des équipes de mecs et puis bon qui n'étaient pas d'accord de se faire commander par une femme et plus jeune que quoi en fait. En plus ouais mais c'est ça, après ça voilà, c'est ce qu'on appelle des machos. Justement parlant de machos, on a David qui est avec nous de Mons. Salut David. Ouais salut. Ouais, ouais. Comment ça va David? Ouais bien bien. On bon, entend alors... tout de suite dans la voix que c'est un mec pas macho. Ouais pas du tout, t'es macho toi, apparemment. Non, non, non, pas du tout, ce que je disais maintenant au standard qu'il faudrait revaloriser la femme, tu vois, donc de pouvoir mettre des choses dans sa place. C'est vrai qu'il y a pendant tout un temps, tu vois, on a été macho et tout, mais bon, maintenant il serait temps que la femme elle a... sa récompense quoi. Donc récompense, un bon coup de bite dans sa chatte. J'avais la récompense, c'est ah oui tu as été brave, allez viens, je te donne un petit golos, je te donne un sucre. Voilà donc ouais, c'est vrai parce que allez on est là pour dire qu'on est un mec tout, mais bon faut se dire aussi que pour nous faut pas se voir à la face, donc faut se dire que à un moment donné quand on est avec une femme et tout d'office à un moment donné on a des choses de galanterie qui passent quoi, donc bah, il faut, non mais à un moment c'est même pas là la question. C'est juste qu'il n'y a pas de raison de se dire qu'on est mieux ou moins bien quoi. C'est de un, c'est pas comparable. Et de deux, il y a un truc clair et net, une meuf reste plus belle qu'un mec. Point. Ah bah oui. Ça, y a, là pour le coup, il n'y a rien à dire. Plus belle, je dirais pas. Si. Non, mais il y a des meufs qui sont moches. Hein. Oui, mais bien sûr, mais le, je parle du corps. Le corps d'un mec et cette espèce de merde là qui pend là. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est moche. La trompe. Même la trompe. Moche. Je préfère une fille moche qu'un mec. Ah bah bien sûr. Ah ouais, moi, je peux pas avoir le truc, ouais, la bite là qui pend. Cette espèce de truc qui pend là, c'est dégueulasse. Les poils. C'est bah, écoute, c'est normal, parce que tu parles comme t'es un mec, tu parles comme ça, mais une meuf, elle va pas te dire, ouais, la femme est plus belle qu'un mec. Ah bah détrompe-toi, il y a beaucoup de filles qui sont hétéros et qui trouvent que le corps d'une fille est plus beau qu'un mec, mais c'est normal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandra? Non, moi, les filles, ça m'intéresse pas du tout. Non, mais je dis pas que tu dois être intéressé, mais je te parle de beauté. Est-ce que tu trouves que le corps d'une... Est-ce que tu trouves que le corps d'une femme est plus ou moins joli que le corps d'un mec? Non, pas du tout. Ça ne répond pas à ma question, je préférais dire l'un ou l'autre, parce que non, c'est... Ouais. Quand je te demande de choisir l'un ou l'autre, tu me dis non, je dis bon... Je choisis l'homme, je trouve que le corps de l'homme est plus joli. Oh, quelle horreur. Regarde, on l'a Toff, on va prendre un exemple, ouais. On l'a en face de nous. Et eh ben, c'est dégueulasse. Alors, Toff contre les femmes du monde. Ah oui. Il est dégueulasse. Voilà. Ah bah t'as les femmes avec les seins qui tombent, le ventre qui tombe après les grossesses. Et bah, je préfère ça. Ouais. Mais je préfère même une meuf qui fait 200 kilos. Mais c'est une femme plutôt qu'un mec moi. D'ailleurs on parlera des machos dans Polo contre le reste du monde tout à l'heure en fin d'émission vers minuit, vers 1h55. Bon et bah du coup merci David d'être passé. Ouais je t'en prie. Et tu reviens quand tu veux. Merci Alex. Moi je fais bien un petit pack fun parce que vu que j'avais la réponse à la colle et puis que j'ai pas pu gagner la GoPro, je fais bien un petit pack fun. Ah bah écoute on va t'envoyer ça, je te repasse chez Sandro au standard. Salut Alex. Merci, salut. Gros bisous. Et puis Lilian, bah écoute, t'inquiète pas à un moment. Hein. T'es, en même temps, tu vas encore changer. Hein, t'as qu'à se balayer seulement. Donc s'il y a des mecs qui te trouvent, ou des meufs qui te trouvent pas assez macho, c'est peut-être parce que tu prends pas assez d'initiative. Et parce que ça m'étonnerait que les meufs préfèrent que tu sois macho, Lilian. Je pense que c'est juste que tu prends pas assez d'initiative et que tu montres pas qui est l'homme, entre guillemets. C'est genre si t'es avec une meuf, par exemple, et que tu dis oui à tout ce qu'elle propose, que tu l'invites jamais à aller au ciné, que tu ne proposes jamais d'aller au resto, d'aller à gauche, d'aller à droite, si c'est toujours elle qui doit faire les choses, elle va dire écoute j'aimerais bien vraiment que tu prennes les choses en main sans pour autant être macho, tu vois ce que je veux dire. On en revient à mon lui. Mais alors non. C'est pas le problème de machisme, c'est alors soit toutes les gadgets elles s'intéressent pas à moi ou soit est-ce qu'il y a un problème. Mais non, il n'y a pas de problème, t'as 15 ans, t'inquiète pas, Lilian, ça va venir. Regarde Toff qui a 40 ans, bah et voilà, bah, oui, c'est que ça. 50 bientôt. Ouais bientôt, bah 40, bientôt 50, évidemment, ouais tout à fait. Bon Lilian, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois bien que le machisme n'est pas la solution quoi qu'il en soit. Et puis t'inquiète, ça va bouger Lilian. Ça. Il n'y a pas de problème. Salut Lilian. Allez, ça, ciao. Allez, ciao à toi et puis bonne soirée. Il y a un message de test qui dit conseil pour Lilian, tiens, être plus macho, pas forcément, mais essayer d'avoir plus de caractère et savoir s'affirmer. Bah, exactement ce que je viens de dire. C'est bien, on pense pareil. Geoffrey qui dit je viens de choper un plan cul grâce à votre émission. Merci à tous, je vous aime. Bah. Hey, Geoffrey, vas-y, explique. Explique un peu comment t'as fait là. Il est sérieux lui ou quoi? Bon, et Train Lover qui dit moi la première fois que je l'ai fait, c'était en vous écoutant le soir, c'était un dimanche. Oh l'enculé, c'est bon, mais il faut prévenir. Mais oui, prévenez quand vous baisez là, qu'on sache, qu'on soit un petit peu et qu'on sache que pendant qu'on fait l'émission, il y en a qui sont en train de baiser. D'ailleurs, si vous êtes en train de baiser, appelez-nous, comme ça on pourra écouter. Ouais, non, mais c'est même pas ça, mais dites-nous simplement, c'est parce que c'est curieux, c'est rigolo. Ouais. Surtout, on est là, avec cette tête de teuf de cinquantenaire de merde. Et nous, là, avec tout le matos, les boutons et tout le bazar, il y en a qui sont en train de fourrer. Ouais. Mais c'est bien parce que d'ici la fin de l'émission, je pense que je serai centenaire. Eh oui, peut-être, ouais. Non, bon, sérieux? C'est parce qu'on est pas dans la même dimension, moi je vais plus vite. Ah oui, c'est vrai. Sofiane qui dit mort de rire avec vous tous les soirs. Et Kevin, ma première fois, c'est passé avec une Anglaise aussi dans un camping en Dordogne. J'avais 13 ans, c'était plutôt pas mal. Et Sébastien, coucou Mickaël, la première fois c'était bof, mais peu de temps après, ils ont construit une église à l'endroit même où ça a eu lieu. C'est ta semence qui a fait pousser l'église. Peut-être. On parle des premières fois encore avec Sébastien, avec Enzo, avec Lucille, avec Justine également. Et puis je voulais savoir aussi si vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous feriez avec l'oseille? Moi En deux mots, commence par raconter ta vie. J'achète 2-3 appartements pour bouger et puis je les utilise jamais, mais je passe ma vie dans des hôtels. Ça vaut bien la peine, tiens, toi. Ouais, moi je pense que je passe ma vie dans des hôtels et moi aussi. Et en fait je place le reste pour avoter qu'en fait le. Que les intérêts couvrent ce que je les pense en fait. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, j'ai toujours de la thune sans rien faire. Ouais, mais genre une grosse somme, hein. Qu'est-ce que vous feriez avec une grosse somme? Donc je vous demande ça parce qu'en fait il y a un des gros gagnants de l'euro million qui a quand même gagné plus de 65 millions d'euros à l'euro million, donc qui a décidé de louer un camping, hein, un camping-car pour suivre le Tour de France parce qu'il n'était pas parti en vacances. Depuis longtemps. Ah ouais, et donc ses vacances. Donc le mec, son plus grand rêve, c'est de louer un camping-car. Voilà, pour le mec, suivre le Tour de France. Il est multimillionnaire, il loue un camping-car. En euros. Multimillionnaire en euros, hein, je tiens à le rappeler. C'est-à-dire que le mec, donc, il pourrait s'acheter un hélicoptère pour le suivre le Tour de France. Exactement. Venez nous dire ce que vous feriez si vous gagniez une grosse somme. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vous mets la question également sur le Facebook, comme ça vous pouvez répondre également. Hein, n'hésitez pas. On écoute Tony Junior maintenant. C'est Twerk Anthem. Il est 1h15. C'est Mickaël No Limit. On est là comme tous les soirs. Direct. Vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter la nuit à la radio. Bah oui, les autres, c'est soit de l'hardiv, soit du best-of, soit de la musique. Nous, on est là en direct jusqu'à 2h comme tous les soirs. Merci d'être là. C'est Mickaël No Limit. Bienvenue tout le monde. Tony Junior sur Fun Radio avec Twerk Anthem. Restez sur Fun Radio car je vous cale dans un instant le nouveau son de Shakira et Rihanna. Can't remember to forget you. Il y aura aussi Fatboy Slim. Et je vous calerai aussi le son d'Hardwell avec Dare You sur Fun Radio. Allez, restez bien là, il est 1h10. Il y aura Polo contre le reste du monde dans 1h sur Fun Radio, spécial macho. Ce sera donc ça. Si vous êtes macho, bah, n'hésitez pas. Si vous n'aimez pas les machos, les filles, et bien n'hésitez pas également à appeler. Ce sera dans 1h. Polo contre le reste du monde, c'est l'antenne de Fun Radio qui est donnée à Polo pendant 5 minutes. Adrien également qui dit j'avoue que je préfère les femmes moches aux hommes moches. Tu gères, Mickaël, continue. Je vous suis encore et toujours. Merci beaucoup. Et India également qui dit une fille, je pense comme vous. Je préfère le corps d'une femme à celui d'un homme. Mais oui. Ah, mais oui, mais c'est tellement plus beau. Tess également, bah, j'écoutais Fun une heure en retard car mon mec m'a sauté dessus. Il voulait pas que j'écoute la radio encore. Oh là là, mais vous avez qu'à écouter la radio ensemble. Et Kylian aussi qui dit prochain plan cul, je vous préviens, je vous écouterai. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, les premières fois, on y va. On accueille Bruno qui est avec nous là, du Mans. Allô Bruno. Ouais, salut Nika. Ouais, comment ça va? Impeccable et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, tiens. Ah, il y a Skind sur le Facebook qui dit ma première fois, c'était dans les toilettes. Ah ouais, pourquoi pas. Et Xavier qui dit te plains pas trop, ma première fois c'était avec la nana d'un ami. Elle a kiffé, se taper un puceau. Classe. Alors, c'était quoi toi, dis-moi Bruno, ta première fois? Bah c'était pas terrible, j'ai eu l'impression de me retrouver en entendant Torf tout à l'heure. Ah, vas-y, explique. Lui il a fait ça dans un bus anglais avec une anglaise à Londres donc. Moi ça s'est passé à La Réunion, j'avais 18 ans, jeune militaire, et sorti de boîte, pas d'endroit pour ramener la copine. Et donc on avait une petite villa maître chien qu'on appelait à l'époque sur le camp militaire. Je l'ai ramené dans la villa, là où on crêchait quoi, avec différents potes. Et ça a duré 3 secondes chrono, 2 allers-retours. Ah oui, c'était hyper rapide, quoi. Eh oui, mais bon, ça arrive. Ouais, mais quand t'es dans les starting blocks depuis 18 ans, c'est normal, quoi. Mais oui, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que le mec, il était... Encore, évidemment, c'est différent chez les filles, parce que les filles... Bon, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais c'est vrai qu'elles attendent ça comme... Comme un vrai truc, un vrai... Oui, un truc de conte de fées, où ça va être beau. Voilà, alors que le mec, la première fois, ben, c'est, il a tellement vu, il en a tellement entendu parler que lui, il veut tremper, quoi. Il veut voir, il veut voir. Et bon, bah, voilà. C'est clair, moi, je voulais décharger, j'avais qu'une envie, c'était ça. Hein. Voilà, et donc, la première fois, forcément, ça tient pas et forcément longtemps. Et on fait tous l'erreur, c'est de partir à la chasse avec le plus déchargé, quoi. Eh oui, ne jamais y aller le pistolet chargé, c'est pas faute de le dire. Exactement, ne jamais y aller le pistolet chargé. Quand tu décharges, t'as plus envie après. Ouais, mais tu décharges, genre, même si c'est dans la journée, tu sais que tu vas le faire le soir, bah, t'y vas genre une heure ou deux avant, quoi. Mais les vrais précoces, en fait, même s'ils déchargent, ils vont décharger rapidement après, hein. Hein, Tof ? Oui, mais. T'as vécu ça, non ? Bah, bien sûr. Mais c'est pour ça, moi, je suis obligé de faire 4-5 fois, sinon ça marche pas, quoi. Mais après, non mais après pour le coup, même si t'es précoce, si tu vas le pistolet chargé, alors tu vas pas tenir 4 heures, mais tu tiendras un petit peu plus longtemps. Ouais. Pas beaucoup, mais un tout petit peu, ou un peu, tu seras un peu moins rapide. Mais tu t'en fous, tu te vides, voilà. Et puis tu t'en vas, qu'est-ce que tu te prends la tête. Voilà. Et donc du coup, toi Bruno, t'as juste été rapide, c'était ça ta première fois. Ouais, juste rapide. Et puis qui pourrait sans doute, à mon avis, faire plaisir à toi, c'est toujours un truc qui m'arrivait avec cette fille-là, c'est que c'était toujours la même, quoi. Un peu plus tard, rentrée de boîte, en ayant abusé un peu de l'alcool, au moment où j'étais en train de lui faire un cuni et j'avais mes doigts au chaud, je me suis endormi dans cette position-là. Merde. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle t'a réveillé en disant je ne sens plus rien, là. Pourquoi tu bouges plus? Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout à fait ça. Et là, je crois que je me suis tapé une honte, j'ai fait style de rien, je me suis mis sur le côté, j'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Ah, oh, putain, c'est bon, ça. Genre, ouais, c'est bon. Genre il a, tu sais, genre il a, oui bon pardon, je sais pas ce que je faisais là, je suis désolé, c'est un accident, tant pour moi. Bah, merci Bruno. Mais de rien, bisous à tout le monde. Eh ben tu reviens quand tu veux Bruno, à bientôt. Ah, y a pas de soucis, à bientôt. Attends, qu'est-ce qu'il y a Sandro? Mais non, Bruno il voulait nous raconter, c'est pas pour ça qu'il y passait, ouais, à la base. Non mais après voilà, comme c'était un peu hors pire, je voulais pas non plus monopoliser l'antenne, quoi. Non mais c'est quoi dans l'histoire? Alors, il y a deux jours, vous avez parlé des trucs un peu gore qu'on trouvait sur les sites de cul, quoi. Ouais. Et donc moi je suis tombé sur un truc. Tu es en train de mettre le sourire à Polo là, hein. Je le vois d'ici, là, il est en train de baver. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on me croit sur parole, c'était vraiment tout à fait par hasard. Les filles qui font ça avec des chiens, des chevaux. Oh non, ça c'est dégueulasse. Il a pas dit, ça va faire plaisir. Oh non. Ce que j'aime bien, c'est le tout à fait par hasard. Bon, j'avais tapé fille défonce cheval. Comment tu peux tomber dessus par hasard? Mais non, mais tu tombes pas dessus par hasard. Tu peux tomber sur Tinasiat, sur blonde. Tine tout court, blonde, brunette, ce que tu veux, mais il y a un moment. Croyez-moi sur parole. Mais on a beaucoup de mal quand même. Et dès que vous cliquez sur ce truc, ça ouvre une autre page et encore une autre page. Non, mais on veut pas savoir où. Ouais, et donc du coup, mais c'est dégueulasse. Eh, rassure-moi, t'as quand même pas kiffé ces dégueulasseries, ces horreurs. Non, j'aime bien trop les animaux pour ça, quoi. Non. Et pas les femmes, par contre. Ouais. Oh là, les femmes, j'en ai rien à foutre, mais un cheval, non, le pauvre. Oh, quelle horreur. Et ce matin, rebelote, mais là, je suis tombé sur toute une page où il y avait que des nains et des naines. Et là, franchement, je me suis tapé une barre. Mais là, oui, bon, bah, pourquoi rire. Pas, après, c'est pas plus différent qu'autre chose, mais là, les animaux, c'est quand même scandaleux. Hein. Mais c'est chelou, quoi, ça. Oui, bah, bien sûr, c'est chelou. Oh, quelle horreur. Bah, merci Bruno, hein. Sandro d'avoir insisté pour qu'il en parle, tiens, c'est une bonne chose. Les animaux, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, Bruno. Juste un dernier truc encore. Connais-tu le site Tinder? Tinder? Tinder, ouais. C'est non, c'est quoi? En fait, c'est une fois que tu es connecté à Tinder, ça t'indique le nombre de gonzesses qui peut être dans un périmètre de 20 bornes autour de toi. T'es sûr? Parce qu'on avait parlé de ça, mais c'était un truc gay. Non, ouais, c'est Grindr, mais c'est, je crois que c'est l'opposé en fait. Ah, c'est pour les meufs? Non. Ouais, bah meufs et mecs en fait. Je veux dire, ouais, voilà, c'est parce que Toff avait déjà essayé une application comme ça, mais c'était gay, alors bon, forcément. En toute amitié, c'est vraiment l'histoire de faire connaître. Évidemment, en toute amitié, une pénétration et voilà, une pénétration amicale quoi. Une pénétration à deux dans le cul, on n'en parle plus. Voilà. D'accord. En disant qu'en restant poli, en disant bonjour et au revoir. Évidemment, c'est minimum syndical. Et devine sur qui je suis tombé. Alors après, fake ou pas fake? Pas sur moi. Bon, bah sur qui alors? C'est qui? Valérie Trier-Weller. Bah, c'est fake. Bah oui, Bruno. Mais je vous assure, photo non, pourquoi à pas l'appui, après, hein, mais ça paraît adresse, probable. Même Mika, tu me donnes une adresse mail et je t'envoie les photos. Alors, d'accord, mikl@funradio.fr. mikl@funradio.fr. Je vais faire la une du Parisien, moi, demain. je t'envoie ça. Et avec je plaisir. Je peux même te dire qu'en dessous, elle avait marqué besoin de me remonter le moral ou un truc comme ça. Ou besoin ouais, de ouais. Bon, écoute, on voit toujours, mais bon, et après, on verra. Tu feras ton idée. Très bien. Bah, voilà. De toute façon, en même temps, elle doit pas être loin de chez nous, là. Donc, ah bah oui, elle est pas loin, la elle radio. Doit être dans le quartier, là. Et c'est sur poph@funradio.fr, envoie les liens de ton site, là. Mais non, c'est l'application. C'est l'application. Non, mais l'autre. Ah oui. T-I-N-D-E-R. Tinder, d'accord, ok, d'accord. Très bien. Bon, bah Bruno, merci beaucoup en tout cas voilà, pour tout. J'ai tout dit. Ça roule, merci à toi, à bientôt. Un gros bisou à Sandro, je la kiffe. Bah, je te la repasse, ça tombe bien. Salut Bruno. Salut Mika. Ciao. Bon, on va parler des premières fois encore, et pour parler des premières fois, il y a Lucille avec nous maintenant des Yvelines. Bonsoir Lulu. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Bah plutôt pas mal, hein. Après la dégueulasserie que Bruno vient nous raconter, là on est au top. Non, on était pas mal. Très très classe, trop classe. Enfin bon. Alors Lucille, on va parler aussi de ceux qui ont gagné au loto. Enfin, de ceux qui gagneraient au loto. Qu'est-ce qu'ils feraient avec l'oseille? Comme le mec qui a gagné 65 millions d'euros, un français, et son plus gros kiff, parce que ça fait longtemps qu'il est plus parti en vacances, eh bien louer un camping-car et faire le tour de France en même temps que le tour de France justement. Et donc on voulait savoir ce que vous feriez vous avec une grosse somme d'argent au loto. Tu ferais quoi toi, Lucille? Moi je partirai en vacances loin au soleil. Direct, t'as raison, ok. Direct. Ouais. Je vous ai mis la question aussi sur le Facebook et le Twitter, hein. Venez y répondre, on lit les messages à l'antenne, facebook.com/mikaelofficiel. Mais bon, après ça, il te restera encore 64 millions, qu'est-ce que tu fais des 64 millions restants? Ouais, mais ça fait surtout que tu pars en vacances pour 1 million d'euros, toi je sais pas où tu vas, mais... C'est violent là. Ah si, moi j'ai... Ah, bah, non, mais... une grande maison, tout ça et tout, hein. D'accord, ouais, ouais, parce qu'après il en reste encore 63 millions. Voilà, donc bon, donc après... Ouais, c'est ça, ouais. Ah si, moi je sais, vous savez ce que je fais? Non. Je loue Toff à l'année, et je me sers de lui comme d'une table basse, pour me porter fais le coude. Fais la table basse. Voilà, et ça sera mon porte-coude. Oh, c'est pas mal. Mais il sera payé bien, 20 et 000 euros par mois. Porte-couille également, non? Porte-couille aussi. Ah, voilà. Mais, attends, mais pour 20 000 euros, moi je le fais, hein. 20 000 euros par mois, je le fais. Hein. Et il portera, comme ça, des fois quand j'aurai besoin. Bon, Lucille, ta première fois, dis-moi, et c'était quoi? Frustrante. Frustrante, ouais. Frustrante, mais 30 fois. Bon, alors vas-y, explique. J'avais 17 ans, mon copain l'avait déjà fait. Ouais. Et c'était prévu, il n'y avait pas les parents à la maison, mais aller en soirée, il est revenu un peu bourré, moi pas. Et on se couche en fait, et il commence bien, tout ça, il descend, tout va bien. Et une fois qu'il essaye de rentrer, entre guillemets, en fait, il n'était pas dedans. Donc, il était dans le mauvais trou? Et non, il était nulle part. Ah. Et quoi, il disait, oh, c'est génial. Il était entre mes fesses et le matelas. Oh, c'est bon ça. Oh putain. Moi, il était bourré. Mais attends, dis-moi, du coup, il était... il simulait du coup ou... Ben non, enfin, il avait l'air sérieux. Non, mais tu sais... C'était étrange. C'était un truc que certaines meufs faisaient, genre tu vois, pour contenter leur mec, c'est tu serres bien les cuisses, et donc le mec, s'il est un peu bourré, il se rend compte de rien. Eh mais là, c'était pas le but. Non, mais toi, non, mais voilà, moi, je connais des meufs qui font ça, juste voilà, pour que le mec, il soit content, et puis il dort, quoi. Mais n'importe quoi. Et ça donc, t'est arrivé, Toff? Ah bah, bien sûr. Non, moi, ça m'est jamais arrivé, mais... Non, il croit, parce qu'au final, ah, il peut pas savoir. Bah, oui, c'est vrai, pas. On peut pas savoir. Bon, il attends. Il est bien bourré, hein. Ah bah, tu m'étonnes. Attends, parce qu'il y a aussi Justine, là, qu'on va prendre. Salut, Juju. Salut. Comment vas-tu? Ben, moi, ça va, et vous? Bah, écoute, ma foi, plutôt pas mal. T'appelles de Marseille, toi, Juju? C'est ça. Très bien. Bon alors vas-y Justine, là, c'est quoi ta première fois? Bah alors moi c'était catastrophique. En fait non, dans l'ensemble c'était bien. Ah t'as couché avec Toff? Non. Ah bon, je pensais. Non, comme c'était catastrophique... Non. Bah en fait sur le coup ça s'est bien passé. Ouais. Mais en fait il m'a quitté une heure après. Oh l'enculé, mais ça c'est des putains de mecs, ça c'est vraiment des connards. Ouais, surtout pour la première fois, je trouve que c'est pas classe. C'est ouais. Vraiment des putains. En fait, j'avais prévu de faire un vœu de chasteté et j'avais cassé mon vœu pour lui. Oh. Jamais de rien faire pour un mec, ça va pas. Jamais, quoi. Voilà. Jamais, ce sont des connards. Eh ouais, mais bon, il était plus âgé que moi, il était beau, il était... Il avait une voiture. Même pas. Il avait même un gros pas, sexe. En plus. Mais non, mais tu sais, et même le pire, pas. C'est les mecs qui disent « Ouais, mais si tu couches pas avec moi, ben je te quitte. Ben bon. Casse-toi, va te faire foutre, casse-toi. » Non, allez. Mais... Bah écoutez, franchement, vu le contexte de la soirée, tout ça, franchement, je dis allez hop, allons-y. Quoi, allons-y. Non mais après voilà, tu éclates et qu'on n'en parle plus. Ouais mais après ouais, tu voilà. dis vu le contexte, peut-être que tu t'es dit bon bah alors bah, ouais c'est pas grave, allez j'y vais, c'est pas grave. Mais après si tu dis bah il m'a promis mon émerveil, que j'étais l'amour de sa vie, donc du coup j'ai cédé et qu'après le mec il te vire une heure après, c'est là que ça se fait pas quoi. Ouais. C'était ouais, bah écoutez, surtout que en fait il m'a quitté en fait nos anniversaires, moi je suis né le 28 octobre et lui il est né le 25. Ou le 25. Ouais. Et en fait, comme je l'ai vu le jour de mon anniversaire, pour fêter son anniversaire, je lui, on va dire, fait ce cadeau. Et oh, voilà. Jamais, jamais faire un cadeau comme ça à un mec, il ne mérite pas. Eh oui. Donc tout ça. Voilà, il m'a quitté. J'ai cassé mon vœu de chasteté, il m'a quitté une heure après l'avoir fait, et le jour de mon anniversaire. Hey, quel bâtard. Si tu veux te venger, on peut faire un truc, toi et moi. Ah ouais? Ouais, on peut y aller, je peux venir et puis on se venge. Tu vois non, ce que non, je veux dire? Non, mais il rigolait, Justine. On se venge salement. Non, ouais, c'est pour rire. Bon. Je suis puceau, moi, encore. Ben oui, voilà, il a jamais essayé oui, encore. Bien sûr. Bon, merci, Justine, et merci, Lucille. Ben ouais, je vous fais des gros bisous. Ah. Salut, salut. Salut. Ciao. Et on va prendre Sébastien dans un instant. Clara également, Séverine. Elias également qui va nous raconter son histoire avec son loto. Elias, c'est ça? Ouais. Bon, allez, reste avec nous, Elias, on va revenir avec toi dans quelques minutes. Et puis on est toujours en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h là ce soir. Et on va revenir après le son de Shakira et Rihanna. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. C'est Can't Remember to Forget You sur Fun. Shakira et Rihanna sur Fun Radio, Can't Remember to Forget You. Il y aura Fatboy Slim avec Hit Sleep Rip, Rave Repeat, je vais y arriver. Et puis Hardwell aussi, avant de partir, il y a The Phil 4444 qui dit si je gagne au loto, je mettrai tous mes millions en pièces de 1$ et je les collerai avec de la Crazy Glue sur le trottoir. Pas mal, pas mal, pas mal. Sofiane qui dit je donne la moitié à Toff pour trouver l'amour et le oh, reste, je me fais plaisir. Ah, bah, il va rien trouver, bien. Il va trouver des putes et tout. Hein. Parisien Avi qui dit je l'achète direct Toff si jamais tu le vends. Oh, quelle horreur. On vous le donne, on vous le donne. Il y a Gink aussi qui dit moi je me paye un putain de mariage avec ma femme, une maison et tour du monde en famille et un coup de bite dans Toff. Pourquoi pas? Écoute, s'il peut payer, moi y a pas de problème. Bah évidemment, évidemment. On veut la première fois de Sandro, on va la raconter dans un instant. Et Stéphanini qui dit si je gagne au loto, je me paierai une nuit avec Toff. Mais quelle horreur! Et Cookie qui dit moi avec une grosse somme, je partirai en vacances avec toute l'équipe et les auditeurs. Oh, ah, ça c'est cool, une bonne idée. Cookie. Et Johan sur l'application Mickaël No Limit, moi je tourne dans le monde entier en dormant dans les plus beaux palaces et je viens à Paris cracher sur Toff. Ah voilà, ça c'est bien. Ça c'est pareil, s'il peut payer, y a pas de problème. Bah ouais, ça c'est une bonne idée, j'ai envie de dire. Bon, on va parler des premières fois encore évidemment avec vous toutes et vous tous et puis avec où est-ce qu'il est, j'avais dit Clara qui est avec nous là. Bonsoir Clara. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va Clara? Bien et toi? Mais ma foi plutôt pas mal. Bon, alors Clara. Oui. Raconte-nous ta première fois avant qu'on parle d'argent. Ah déjà on peut faire une petite doublette. Tu ferais quoi avec l'euro million si tu le gagnes, tu gagnes une blinde? Bah moi je partage ça avec ma famille et jamais malheureuse. Ils ne te le rendront pas. Ne jamais rien donner, tu gardes tout pour toi. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Dans ta fouille. N'importe quoi. Bon, alors vas-y. Oui, donc. Non mais vas-y alors, explique. Donc tu fais tu partages avec la famille et c'est tout? Ouais, et après bah je m'achète une maison. Ah d'accord, ok, très bien. Bon. Et puis je mets le reste de côté pour mes enfants plus tard, pour leurs études. Oh, c'est mignon. Oh, c'est bien. Oh, oui. Très bien. C'est mignon. Bon, alors, du coup, raconte ta première fois. Alors, moi, ma première fois, c'était sur une machine à laver. Ah, c'est pas mal, une machine à laver, c'est sympa, ouais. Ouais, ton mec t'a essoré. Non, sérieusement. Non. Malheureusement, c'est plus mon copain maintenant. Et en fait, c'était un peu du forcing, moi, déjà. C'est-à-dire, dis-nous. C'est-à-dire, bah lui avait envie, mais moi j'étais pas trop prête. Mais quoi. Il faut pas faire quand vous avez pas envie, il faut pas faire plaisir à ces enculés. Ouais, mais la machine avait vibré, ça l'a excité, ça a dérapé. Non mais bon, c'est non, vrai. Non, elle avait pas la machine à laver en route. Il faut quel intérêt de faire ça sur la machine à laver alors? Ah ouais, elle est arrêtée en plus, elle est en panne. Non mais quel intérêt? Non, c'est pas en fait, on allait prendre un bain. J'ai pas compris, ça a coupé, t'as dit quoi? On allait prendre un bain. Dans la machine à laver. Dans la machine à laver, mais c'est le meilleur endroit, t'as ouais. raison. Mais oui, mais justement, moi je me disais aussi ce soir je prendrais bien un bain. Mais j'ai pas de baignoire, donc machine à laver. Bah c'est ça, moi j'ai qu'un lave-vaisselle, je vais essayer. Bah écoute, essaye dans la vaisselle, c'est un peu plus chaud je pense, non? Ah je sais pas, bah, ça déjà, dépend. Essayer de faire dans une baignoire, vous y arriverez pas quoi. Vas-y, à pourquoi moins que vous êtes assez souple. Bah, dans une baignoire? Bah après ça dépend, c'est quoi comme baignoire? Bah, une petite baignoire, quoi. Une baignoire normale. T'as des lits, donc ça. Bah, Clara, dis donc, t'es pas très. Alors, pas très souple. Non, alors, si je puis me permettre, la baignoire, c'est pas génial. La douche, c'est beaucoup plus sympa. Non, mais que ce soit génial. Non, mais après, que ce soit génial ou pas, c'est une chose, mais on peut le faire. C'est faisable. Ah oui, on peut le faire, oui. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Bah, voilà. Non, mais. Je sais pas, moi, j'ai trouvé. Il est tellement sale. Comment? Non, je disais, il est tellement sale que les meufs le prennent dans la douche. Ouais, elles préfèrent me laver d'abord, quoi. Et donc, du coup, tu disais? Donc, bah, on a vu la machine à laver et on trouvait plus fun de faire ça sur une machine à laver que faire ça dans une baignoire, quoi. Bah, écoute, oui, pourquoi pas. Attends, il y a Soussou aussi qui est avec nous, le chaumon, là. Salut, Soussou. Soussou, salut. Le sous-chef. Comment ça va? Non, c'est pardon. Pas le sous-chef, là. Ça va, Soussou? Ça va et vous? Bah oui, très bien. 28 ans, toi, de Chaumont. Ouais. Et tu voulais nous raconter également ta première fois. Avant de raconter ta première fois, qu'est-ce que tu feras avec 65 millions d'euros si tu gagnais l'euro million? Déjà, je mettrais de l'argent de côté pour mes enfants. Ouais. Pour les études, jamais. Et pour qu'ils aient de quoi voir venir bon, après. Enfin, avec ça, ils ont de quoi voir venir. Les voilà, enfants, ouais, les petits-enfants, ouais, les arrière-petits-enfants. Investissement et tout pour pouvoir se faire plaisir jamais. Par la suite. Ouais, pour pouvoir s'acheter leur première Porsche, quoi. Par exemple. Non, ça c'est moi. Eux, ils se débrouillent avec ce que je leur mets de côté. Ah, moi, ils auront que dalle. La première, c'est pour ma gueule. Mais non, mais c'est vrai, il faut pas leur donner qu'ils se démerdent. Bah, si oui. Tu les vois qu'ils galèrent, bah, tu leur donnes un peu. Ils mais... sont bloqués et une fois qu'ils auront fini leurs études, qu'ils auront sorti des masters et je sais pas quoi, après seulement ils auront l'argent. Mais non, puisqu'ils savent qu'ils auront de l'argent, donc ils foutront rien. Bah oui, bien sûr. Mais non, ils ouvriront des entreprises, ils feront comme moi. Mais oui, bien sûr. Tu les fais travailler, ces chiens. Oui, bien sûr. Bon, alors, Soussou, c'est comment ta première fois? Toi, c'était comment? Ouais, alors vous allez vous marrer parce que le mec avec qui je sortais à l'époque, j'avais 16-17 ans. Oui. Ma mère avait copiné avec lui quelque chose de bien. Ouais. Et donc un soir, il est venu me chercher. J'étais en internat. Il est venu me chercher à l'internat. Oh, et, c'est mignon. Où tu parles, c'est un gros con. Hein. Ah, ça sortait du cœur. Hein. Ah ouais, il est sorti du fond du cœur celui-là. Ah ouais. Il est venu me chercher à l'internat, il a demandé donc à ma mère d'autorisation si je pouvais passer le week-end chez lui. Ma mère a dit oui en sachant que c'était un mec plutôt carré, mais bon, elle se doutait bien que ça allait partir en sucette à un moment donné. Ouais, enfin, c'est surtout toi qui allais sucer, quoi. Ah bah bien sûr, ouais. Ouais, bah justement, c'est ça le truc, c'est que, pour les fellations, je peux pas parce que j'ai une légère déformation au niveau de la mâchoire, à l'intérieur, donc ça se voit pas, hein. Et, comment ça tu peux pas, je comprends pas. Attends, c'est intéressant que, ça. À cause de mes dents de sagesse, ma mâchoire s'est déformée. Ouais. Et du coup, j'ai une limite quand j'ouvre la bouche. Ah, tu peux pas rentrer un... Ah, mais tu dois... Ah, bah, t'apprends t'off, t'as une petite bite. Ouais, oui. Ouais. Mais oui. Tu sais, moi, tant que tu peux la lécher, ça me va. Hein. et puis, comme il éjacule pas beaucoup, ça va faire comme si, tu sais, comme un petit peu de salive. Tu vas être bien avec c'est toff. C'est charmant. Mais oui, mais bien sûr, évidemment. Non, mais... et donc, du coup, tu peux pas sucer de mec. Non. Enfin, pas des calibres normaux. Ouais, voilà, pas des calibres, quoi. D'accord, et tu peux ouvrir, genre, à quel niveau, la bouche? On va dire pas plus de 5 cm. Mais genre, deux doigts, ça passe, ou c'est déjà trop? On va dire 3. Ah ouais, donc ça va. Ça va, ça reste encore... Ouais, mais bon, après, c'est chaud, quoi, avec les dents. T'imagines quoi, un coup de croc. Je viens d'avoir une image, là, qui... Ah, mon Dieu. Enfin, pas une image. Non, mais t'imagines, elle commence... Tu sais, le mec que t'as pas... tu commences à le sucer, une bande pas encore, et pendant qu'il est à l'intérieur, ça grossit, c'est plus sortir. Ouais, ça doit être chaud, quand même. Ah. Bon, elle mord un bon coup de dent, ça va redescendre. Ah, t'imagines. C'est énorme, non? C'est clair, c'est grave. T'es coincé, tiens. Bon, après, t'es dans la merde aussi, parce que t'es coincé avec sa bite en bouche. Mais je veux dire, dans l'idée, ça peut être rigolo. Ouais, c'est clair. Enfin, dans l'image, hein, encore une fois seulement. Bon, ouais, et donc, du coup, et donc la première fois, la suite, donc? Et donc, il est venu me chercher, je suis partie chez lui. Le week-end a super bien commencé avec réunion de famille surprise pour me présenter à sa famille. Ah, c'est bon, donc, ça. Donc, le truc que je déteste. Ouais. Et bref, le soir venu, donc je vais dans sa chambre. Alors il avait fait le plan super romantique, il avait accroché des petites guirlandes lumineuses un peu partout dans la chambre en forme de cœur et tout le truc bien. Hey, c'est pas Noël, hein, ouais, trop voilà. Du cul. C'est ce que je lui ai dit quand on est rentré dans la chambre. C'était, donc, c'était un peu la fête à sa chatte. Super mal. Ouais. Et bref, on se pose dans la chambre, on met un film et tout. Bon bref, c'est parti en sucette. Mais j'avais envie, c'est ça le pire, c'est que j'avais envie. Mais le fait que ma mère ait dit oui pour que je passe le week-end là-bas, ça m'a tellement perturbée, ça m'a choquée parce que ma mère, elle est pas comme ça. Elle, c'est tu ferais comme pas de garçon et c'est tout. Ah, c'est bizarre qu'elle dise ça. Ouais. Elle a kiffé. Ouais. Non, et mais coup, elle s'est rappelée sa jeunesse, toute l'époque où elle avait une vie un peu... Ouais, non, alors non, pas du tout, c'était pas du tout ce genre-là, sa vie. Non, bon, que tu sais, parce que bon, après... C'est ça, après, tu sais, elle, voilà. Elle a vécu les années 60. Hein. Voilà, et puis après, donc, le spécialiste de Noël, là, il a fait la lumière, et puis... Et, bref, on est passé à l'acte, et en fait, c'est pas passé du tout. J'étais tellement perturbée par le fait que ma mère ait dit oui, que c'est pas passé du tout. Mais alors, ah, du coup, t'as pas mouillé du tout et rien, en fait? Ah non, il n'y a même pas. T'aurais mis un cadenas, c'était la même chose. Il pouvait même pas passer un doigt. Oh là là, le pauvre. Ah oui, c'était fermé de chez fermé. Donc t'as un problème aussi de chatte de sagesse. Ouais, parce qu'il y avait des dents de sagesse dans sa chatte. Hein, qui sont... Ça s'est pas ouvert comme la bouche, apparemment. Ouais, très bien. Non, en fait, c'est proportionnel. C'est-à-dire, si ça rentre pas dans la bouche, ça rentre pas en bas. Ça rentre pas en bas non plus, effectivement. Et donc, mais en fait, donc c'était pas ta première fois. Puisqu'il il s'est rien passé. Bah si, justement, c'est ça le truc. C'est que le même week-end, donc le dimanche, quand il m'a ramené chez ma mère, parce que c'est elle qui devait me ramener à l'internat, quand il m'a ramené, donc on a passé la soirée à dîner avec donc ma mère et mon beau-père et enfin toute la famille. Ouais. Et donc on est remonté dans ma chambre à moi. Et bah c'est parti aussi en sucette. Sauf que bah, au moment où il a réussi à rentrer, il y a ma mère qui a ouvert la porte de la chambre. Ah, c'est bon, ça. Oh là là, toi tu les collectionnes, là, dis donc. Hein. Ah, c'était franchement fondable. Et en fait, elle est rentrée dans la chambre. Écoute, comme la première fois, ça s'est mal passé, je suis là, je vais t'expliquer. Hein. Bon, alors, on commence comme ça, le point 1. Tu vas rire. Attends, j'ai pas fini. Ah, c'est pas fini, oh là, j'ai peur de la suite. Oh là là, qu'est-ce qui a bien pu se passer encore? Elle est descendue, 5 minutes après, elle est remontée avec une boîte de capote, elle l'a balancée sur le lit, elle a dit « Faites attention, protégez-vous !» Ah d'accord, je pensais qu'elle allait dire « Mais alors tu la baises, ma fille, hein ?» Elle, tu la baises bien, nom de Dieu. Ça fait longtemps, là, maintenant. Elle a rien dit, alors que, bah, tu vois, c'est une rebeu, quoi, donc... Ah ouais, bon, bah écoute... Imagine un peu la mentalité des Arabes, quoi. Bon, au moins, tu vas t'en souvenir. Ah bah celle-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Bah tu m'étonnes. Bon bah merci en tout cas, Soussou, hein. Mais de rien, merci à vous. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux, Soussou, je t'embrasse. Ciao. Moi aussi, bisous. Et salut Clara également, merci beaucoup. Salut, bisous. Ciao, bye bye. Bon Elias, il y a Sébastien qui voulait parler des premières fois aussi, on va finir ça dans quelques minutes. Elias de Marseille. Coucou Fun, bien ou quoi? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Bon, tranquille. On parle pas de Marseille, hein, de l'OM, non. Il vaut mieux pas. Hein. Ça dépend, si tu parles du Paris Saint-Germain, je pense que ça peut calmer un peu. Non, ne me parle pas du Paris Saint-Germain. Ah bah là, pour le coup, vous tenez la main. Vous avez tous les deux perdu contre des petites équipes. Hein. C'est chier. Ah ouais, bah oui, mais rassure-toi, Toulouse a perdu, Bordeaux a perdu, tout le monde a perdu. Hein. C'est parfait, c'est ça va être la Coupe de France la plus minable de l'année. Moi je me souviens d'une meuf qui, pendant qu'on mangeait tout à l'heure à la cantine, qui me disait « Ouais, mais nous, Paris, on surclasse tout le monde !» Karima, peut-être. Ouais, je voulais pas dire son nom. Ah, mais... pardon. Bah regarde, ils ont sous-classé tout le monde, pour le coup. Bon, Elias, toi tu voulais nous parler de l'auto. Alors si tu gagnes l'euro-million par exemple, est-ce que tu fais comme ce Français qui, bah, comme il n'était pas parti en vacances depuis longtemps, il a décidé de louer un camping-car et de faire le Tour de France avec le Tour de France, les vélos. Et voilà, c'est son kiff, il est content. Mais tu es fou. Tu fais quoi, toi? Moi, je fais le Tour de Marseille, qu'est-ce qu'il y a? Non, attends, moi je... Tu nettoies Marseille, tu la rends propre pour une fois. Non. Moi, je la fais à la Al Pacino. Je me mets en mode, j'achète toutes les gonzesses. Du monde, je sais pas, je fais un truc comme ça. Du monde, c'est l'autre là. Il achète la planète. Je deviens gros proxénète, je fais que du business et je baisse tous les jours, je baisse. Et t'auras tout fait polo en assistant. Ah ouais. Non, moi je travaille pas, non, moi je respecte trop les femmes pour faire ça, je peux pas. Oh n'importe moi, quoi. Moi je ferai goûteur. Polo. Ouais, goûteur, ouais. Tof, ouais. Je le prends, je le séquestre. Voilà, un vrai rêve. Mais il y aura une croix là où tu vas me séquestrer ou pas? Mais je l'attache, je le mets sur une croix, je lui fais la totale, je lui mets les menottes, je lui fais tout. Et d'accord. Surtout le barbelé, parce que les menottes il aime pas trop, ouais. Mais se faire attacher sur la croix avec du barbelé, oui. Ah ouais, j'adore. Et se faire sucer par du fil barbelé aussi. Ouais. Et des traves. Alors m'expliquer comment ça se passe, parce que je connais pas trop ce principe de se faire sucer par... T'inquiète, je vais te satisfaire. Ah, bah le voilà rassuré alors. Ah bah là je me sens tout de suite. Ah bah là. Mais tu veux pas nettoyer Marseille, rendre ça propre, nettoyer tous les murs? Il fera ça avec les cheveux de Tof, tu vois. Hein? Balayer. Non, il faut la laisser Marseille, comme ça, notre bonne ville. Ah bah oui, ça chlingue, c'est parfait quoi. Bon, arrête, il y a des quartiers de merde et des beaux quartiers. Ah non. Mais si, mais bien sûr, mais comme partout évidemment. Non, c'est faux. Bon bah merci Elias. Attends vite fait, Mickaël. Dis-moi. Y a moins que je te raconte, c'est ma première fois. Bah Ah bien sûr, vas-y, vas-y, profite. Ben, attends, tu fais ça dans un instant, je vais te reprendre avec Sébastien là, bouge pas Elias, reste avec nous. Okay. Il y aura Séverine également là, salut Séverine. Salut. Comment ça va? Ça va, et vous? Bon, oui, très bien. Tu voulais dire quoi toi Séverine dans quelques minutes? Oui, c'était pour intervenir tout à l'heure, il y a un mec qui a appelé en disant que donc le corps de... Que les filles diraient que le corps d'un homme est plus beau que celui d'une femme. Tout à fait, c'est moi qui l'ai dit. Attends, bouge pas Séverine, tu vas parler de ça avec, dans quelques, avec moi dans quelques minutes. Il y aura Florian également. Et puis vous tous sur Fun Radio, il est 1h19. Il y aura Polo contre le reste du monde tout à l'heure à 1h55. Spécial macho. Macho. Eh oui. Macho, macho. Ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Et bah, on va s'écouter le son de Five Slim maintenant sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit et c'est Hit, Sleep, Rave, Repeat sur Fun. There was this DJ who was like kicking off. I don't know what he was doing. Fatboy Slim sur Fun Radio, Hit, Sleep, Rave, Repeat, il y aura Hardwell sur Fun Radio également, il y a Flavien qui dit toujours des promesses pour Toff. Bah oui, mais des gens qui veulent absolument le séquestrer, bon bah... Ouais, c'est toutes ces croix qu'on devait me ramener, je n'ai toujours rien vu venir. Bah oui, bah oui, bah oui, il y a Let's Be Fresh qui dit vous donnez Toff, je prends. Bah j'imagine. Megumi qui dit ma première fois j'avais 12 ans, le mec 15, il était anglais, c'était au Japon, mais ne le faites pas les filles, c'est trop jeune 12 ans, bah ça c'est sûr. Il y a Francis qui dit moi avec 65 millions je rachète Fun et je vire Toff. Avec Toff. Laissez ce pauvre. Mais ils font le ménage, ils font le ménage. Ils ont raison. Camélis qui dit moi j'achète une barre de pole dance à Toff et les danseuses qui vont avec et je m'achète une grosse voiture de sport. Merci. Ok, le prince Nadia qui dit la bonne excuse pour ne pas faire de fellation, j'ai une déformation au niveau de la mâchoire. Ouais, et après la meuf et le mec dit ouais, mais t'inquiète pas, j'ai une petite bite. Hop, et ça passe tout seul. Ça passe crème. Joss également qui dit Mickaël, si je gagne l'auto, je le partage avec ceux qui galèrent à payer leur maison et ceux qui ont perdu leurs emplois. Oh, c'est bien, Joss, mais par contre. Moi je m'achèterai un Becherel parce que Joss c'est celui qui a dit je rends mon rapport RAT espace PORC il y a deux jours. Comment tu l'as Ah bah ouais là ouais, alors, ça m'a tellement marqué. Et Black Dragon qui dit ma première fois c'était un cadeau à mon anniversaire pour mes 18 ans chez mon frère à Montpellier. Tout le monde s'est cotisé pour me payer une pute. Oh les enculés, ouais, pas pour une première, note à 18 ans peut-être. Et enfin le prince Indien encore qui dit moi je pense aussi à acheter une très jolie croix de Saint-André à Toff. Ah, ma générosité me tuera. Oui, oh. Ah bah, ça c'est une certitude. Et Jenny qui dit moi je baisse touf avec le million. Bah pourquoi pas, c'est une idée, ouais, c'est une idée. On fera d'autres appels avec Toff également et puis on va bah, surtout récupérer Séverine, 29 ans de Lourdes. Séverine. Touf. Bon alors toi tu voulais réagir par rapport. Attends, excuse-moi, quoi, c'est important. T'habites à Lourdes? Ouais. Un miracle. Un miracle. Oh, Toff change de visage. Ça y est, ça existe. Oh, mon Dieu. Oh, c'est magnifique. Non, c'est mais il faut qu'elle nous envoie de l'eau. On essaiera. Il a rajeuni à mais presque oui. 32 ans. Oh là là. Oh, c'est beau. Un miracle. C'est magnifique. La lèpre est tombée. Il marche, lève-toi. Non, non, en fait, non, c'est un mytho, il est toujours merde. Comme avant. Bon, Séverine. Oui. Bon. Ne meurs Séverine. Pas, Séverine. Bah non, non, mais... Bah non, en même temps, elle est lourde, elle risque pas grand-chose. C'est vrai. Hop, une petite fiole d'eau et hop, c'est reparti. Et bah évidemment, et hop, c'est... C'est reparti. Hop. Mais c'est ça. Bon. Mais comment vous faites, en fait? Vous avez tout chacun, vous avez toute l'eau est bénite là-bas? Bien sûr. Elle est... Même l'eau du robinet. Ouais, ça va pas trop loin du gaz, oui. Ah, mais c'est bien. Quand j'étais punie, ma mère, elle m'envoyait en vacances à Lourdes. Ah putain, génial. Avec mes grands-parents. Comme quoi, il n'y a pas de miracle. Ah non. Et autant vous dire que j'y allais tous les étés, quoi. Oh, ah bah oui, c'est bien, moi j'adorerais. Ah bah génial. Bah viens, on y va. On va faire l'émission en direct de là-bas. On va faire l'émission en direct de la. On fera l'émission en direct de la grotte. Non, ne blasphème pas, sac à merde. Respecte, sac à merde. Je l'ai embrassé tout la grotte. Oh. Tu vas et tu l'embrasses. Comme quoi ça ne marche pas, regardez Sandro. Bon, Séverine, toi tu voulais réagir donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure que le corps d'un homme est moche, contrairement à celui d'une femme qui est beau. Mmh. Bon après évidemment qu'il y a des meufs qui ont un sale corps, mais je veux dire, même un mec bien, ça reste une merde quoi, avec ces trucs qu'il pense, c'est moche. Non mais c'est vrai. Ah oui, du moment où un mec est à poil. C'est moche. Mmh. Mais oui. À part de dos, à la limite, mais sinon, de devant, c'est moche, quoi. C'est laid, hein. Mais oui, bien sûr que c'est laid. Je suis d'accord, je suis content que tu sois d'accord avec moi, Séverine. Je suis 100% hétéro, ouais, pourtant. Ah, mais c'est ça, c'était la question que j'allais te demander. Ça. Voilà, mais c'est juste que c'est tellement laid. Ouais, bah hier, on en a encore vu les fesses de Toff, c'était une horreur. Oh, quelle horreur, j'ai failli vomir. Ah ouais, non, mais il faut plus mettre ça, hein. C'est une horreur. Cul, là. Non, mais d'ailleurs, en plus, le feutre, il est tellement puissant que c'est toujours pas parti. Quoi. D'ailleurs, s'il avait son feutre, là, il y a encore marqué Let's Be. Attends, c'est quoi I love LBF. LBF. Ouais. Let's Be Freaks avec un petit cœur. C'est Sandro qui avait mis ça hier. Je suis marqué pour la semaine, là. Non, mais quelle horreur, surtout. Bah, il faut que t'ailles à Nice, hein, chez Let's Be Freaks. Hein. Ouais, pour qu'elle nettoie tout ça. Ouais, bah, voilà, à la langue, avec sa langue. Bah, écoute, j'y vais, là. Je pars à la fin de l'émission. Arrête, elle va encore dire que des promesses, elle aura raison pour le coup. Bah oui, elle aura raison. Tu crois que je vais faire l'aller-retour à Nice dans la nuit ou quoi? Et si elle est polo, on se cotise pour le billet. Alors moi je paye. Mais tu vas, non mais attends, Tof, tu vas, tu bourres, bourrage, débourrage, nettoyage du matériel et tu reviens. Mais moi je paye, j'en ai rien à foutre. Et pour être sûr. Et je te paye même la journée, attends, prendre un steak frites et tout. Attends, pour être sûr, tu descends à tes frais. Ouais. Tu payes tout à tes frais et si Netflix nous confirme. Ah mais promis, on rembourse. Ah mais non. Vous payez et j'y vais. Non mais on n'est pas sûr. Mais non mais t'es un malin. Parce qu'après tu vas aller là-bas, tu vas aller baiser une autre ou tu vas pas y aller. Je vais bien aller me faire baiser à la Réunion. Hein. Ouais c'est ça, va te faire foutre toi. Ouais c'est ça. Ouais. Donc voilà, l'offre est lancée. Tof, tu descends, on paye tout. Promis. Eh ben paye. Mais non, inclusive. Non mais parce que tu payes de. Non mais on te connaît, Tof. Tu payes, c'est confirmé. Hop, je sors ma carte bancaire. Non, allez, hop. Non. Tac. Vous payez, j'y vais. On va chez le notaire. Non non. Vous payez, j'y vais. Et si après il faut quelqu'un pour vérifier, t'as qu'à venir. Eh non, Tof. Ah non, ça se fait pas. Non, bon, Let's Be Freaks, donne-nous ton avis dans cette histoire-là. On y va. Bon, alors, Séverine, donc toi, tu trouves que les corps de mecs sont moches. On est donc d'accord. Mais merci pour ton avis qui va d'ailleurs dans mon sens. C'est parfait. Ouais. Mais je te remercie. Voilà. Je te fais des bisous, ben, Séverine. Mais je vous fais tous de gros bisous et puis continuez comme ça. On fera au mieux. Voilà. Salut, mais Séverine, oui. Je t'embrasse. Allez, gros bisous. Salut, ciao. On termine avec les premières fois. Et Sébastien, vous avez été nombreux là pour les premières fois. Sébastien également, qui nous appelle de Vienne. Une seule vanne à propos des valses. Et il y virait. Bon. Alors, vas-y Sébastien. Allô. Ça va? Salut, ça va et vous? Ça va bien, ouais. Bon, Seb, avant que tu racontes ta première fois, il y a des auditeurs qui voulaient savoir comment s'est passé la première fois de Sandro. Moi, ça s'est super bien passé, c'est pas... C'était dans un bar à striptease. Non, pas du tout. Je me suis retrouvé là par hasard. Non, pas du tout. J'étais avec mon mec, c'était mon mec. Ça faisait 6 mois, je crois, qu'on était ensemble. Ça s'est bien passé, j'ai même pas eu mal, rien. Et on a remis ça le lendemain matin. Et là, j'ai eu mal. Et en fait, le jour avant, tout, hein. Ça n'était pas rentré. Non, non mais et voilà, et on est resté pendant 6 ans ensemble. Oh. Et on est encore en contact aujourd'hui. Oh, t'aimerais bien qu'il te remette un petit coup de... Non. Bah c'est... quand j'ai besoin, j'appelle un ex. Ah, t'aimerais bien qu'il te remette un petit coup de... non, ça c'était un autre. Et ah, pisseux, c'est un autre, le pisseux là, tu l'as... Oui, bah le pisseux, ouais. D'accord. D'accord, très bien. Donc voilà, ça s'est super bien passé, rien d'original. Non, bah on remarque ça, effectivement. Mais voilà, c'est beau. Oui, bah, oui, bien sûr. Pendant des années, des fois il vient à la maison, voir la famille et tout. Bah, il voilà. Met une cartouche. Pas toujours. Quand il est célibataire. Voilà, il sort le karcher et il fait le nettoyage, quoi. Bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui entretienne tout ça. Il faut bien que quelqu'un évidemment. Se dévoue. Bah, c'est ça, évidemment. Bon, Sébastien, c'était quoi ta première fois, toi? Explique-nous. Bah moi en fait si tu veux j'étais donc bon, ouais, je veux rien moi bref J'avais 15 ans, je venais de rentrer au lycée donc en seconde et donc j'arrive à sortir avec une terminale qui en avait 19. Lycée hôtelier toi, lycée hôtelier. Non du tout, non, lycée technique. Ah bah ça m'étonne. Ouais je reconnais. Non la voix. T'as la voix du lycée technique. Ah ouais. Non ouais. Mécanique bon. ou salarié. Pardon? Mécanique. Ouais mécanique ouais. Ouais tu vois. C'est ça, ouais, justement là. Ça va, ça va. Polo est voyant à ses heures. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je lis dans les boules. Voilà, bon, il arrondit ses fins de mois. Exactement. Dans mes propres boules. Oui, c'est ça, que dans les boules. Bon, alors vas-y, explique-nous. Donc en fait, donc elle m'a mis de chez elle, pas ses parents, etc. Donc on se monte dans sa chambre, on met un film, on commence donc à chauffer et tout. Et au bout d'un moment, elle me dit, comme ça, elle s'arrête, elle me dit, tiens, en fait, hier, je suis sorti et je t'ai trompé. Alors moi, du coup, ça me la coupe direct. Du coup, évidemment, toi, tu lui as dit, ça. Bah, t'en fais une culée, je te dis, connard. En gros, hein. Un peu du genre. Et donc du coup, moi, ça me la coupe et tout. Et après, elle me dit, non, mais t'inquiète pas, ça arrivera plus. Ça arrivera plus, espèce de connasse, casse-toi. Ouais, blasé, départ, je sais pas trop. Et donc, du coup, elle recommence à me chauffer et c'était parti. Mais bon, après l'avoir fait, j'étais grave blasé et voilà, elle m'a grave pris pour un pigeon. 15 jours après, elle me largue et en fait, j'apprenais comme quoi elle les aimait puceaux et du coup, elle les prenait, elle les formait et après, elle les larguait. Ah bon, elle est encore en contact avec elle? Une éleveuse de puceaux. Tu vois, c'est ça. Elle a un chenil et tout. Ah ouais. Non, ça, c'est mon petit puceau là, Gérard. Regardez cette petite quéquette. Mais là, ça, il va s'en aller parce que ça c'est terminé. Elle, hein. elle fait des expos de temps en temps. Il y a les copines qui passent. Tiens, il y en a un petit roux par là. Tu veux l'essayer? Mais t'es encore en contact avec elle? Ah non, non, du tout. Ah, parce que toi, fais puceau encore. Donc, oui, moi, je ne sais pas comment on fait. Il n'a jamais pratiqué. Jamais. Ah, bah, s'il veut, je lui donne son Facebook. Avec plaisir. Non, bah, voilà, il saute sur l'occasion. Bien sûr, j'irai lui dire que je suis puceau, que je n'ai jamais vu une femme nue de ma vie. Tout à fait. Bon, attends, il y a Elias aussi avec nous là. Elias. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Bon, alors, c'est quoi ton histoire, toi? Tu voulais aussi réagir par rapport aux premières fois? Ouais, ben, moi, en fait, c'est hyper bizarre. Tu vois, en fait, je sortais avec une meuf, et en fait, t'as vu ses parents? Genre, ils étaient libertins. Ouais. Et genre, un jour, la première fois qu'on a couché ensemble, genre, elle commençait à me chauffer, tout ça. Et à un moment, on était allé en soirée avec ses parents et tout, c'est un peu chez eux, quoi. Et genre, sa mère, elle a commencé à prendre un truc bizarre, tu vois, bon, elle s'est défoncée, quoi. Et genre, nous, on a fumé un peu, t'as vu? Genre après, je suis allé avec elle. Et tu vois, moi, j'aime pas quand tu fais ça dans la lumière. Tu vois, je préfère dans le noir. Ouais, d'accord. Genre, on voit pas que t'as une petite bite, ça. Ouais. Putain, merde, quelle angoisse. J'ai failli faire la même vanne, puis je me suis dit... Non. Bah putain, moi, je l'ai faite. Ouais, mais je suis emmerdé d'avoir eu la même pensée que Toff au même moment. Je suis désolé. Ah oh, putain, ça m'angoisse, je crois que ma journée est morte. Bon, oh, c'est pas grave, elle est finie, là. Oui, bah non, bah non, elle va commencer, là. Bon, soit. Allez, vas-y, continue. Et genre, à un moment, elle me dit, attends, tu sais, je vais aller faire un truc. Genre elle part et d'un coup il y a quelqu'un qui revient, mais je sais pas, moi j'étais défoncé, quoi, j'étais assez, je voyais rien. Et genre en fait au bout de quoi 2-3 secondes j'ai compris, en fait c'était sa mère qui était venue. Et genre moi j'étais en train de baiser sa mère. Dis donc Elias. Ouais. T'es sûr de ton coup là? Mais oui, bien sûr. La tête de ma mère, c'est un mytho aussi. Ouais, où est-ce que t'es comme Polo? Sérieux là? Ouais. Tu sais, Mickaël, on était à une dizaine dans mon quartier à écouter Skyrock. On est tous partis pour faire une radio. Non, oh, ça c'est bien, hey, ça, Yann. Yeah, c'est les vrais. Mais t'inquiète, bien sûr qu'on a cru ton histoire. Mais là, qu'est-ce que tu crois là? Mais évidemment, ma gueule. Qu'est-ce que tu crois là? Évidemment. Elle était bonne, la daronne? Elle bougeait bien ou pas? Mec, ta gueule, sur la tête de ma mère. Pendant quoi? Elle était avec moi pendant 2 secondes. Bon, elle a vas-y, c'est drôle, l'autre il a dit. Vas-y. J'étais HS. Non, mais attends, HS. Ça devait être une ouf là, daronne. C'est-à-dire que quoi, la meuf elle s'est assise et puis elle s'est levée, quoi. Et puis ça fait, t'avais fini. Mais non, moi, genre, tu sais, moi j'étais couché tranquille et genre en même temps, sa mère elle est venue et je sais pas, elle m'a fait un truc de vieille, quoi. Mais elle m'a fait un truc en 2 secondes, j'étais. Elle t'a fait du vice. J'étais en film X, quoi. Mais ouais. Je veux dire. Et en fait, c'est pas fini parce qu'à la fin. Il y a le daron qui est rentré. Non. Je me suis tapé le père. Il y a ma meuf qui est revenue. Ouais. Bah, c'est normal, à un moment, il fallait bien qu'elle revienne. Voilà, et il y a les deux, ils étaient dans la chambre, et genre elle allumait la lumière, et parce que moi j'étais bon. En fait, c'était moi qui jouissais, tu vois. Et genre... T'es des barres de rire, Elias. Ouais. Non mais c'est bien, c'est bien. Attends, pour une première fois, t'es au top. Mais alors la suite de l'histoire, parce que là, nous, on veut savoir. C'est long. 2 secondes quand même. Hein. Attends, Elias. Elias, il faut faire une pause là. Je te reprends juste après pour la suite, parce que tout le monde veut savoir, hein, n'est-ce pas, Sébastien? Ouais, carrément. Bah, évidemment. Alors bouge pas de là. On va se mettre le son d'Hardwell avec Dare You. Et puis juste après la suite. Elias, tu ne bouges pas surtout. On te reprend juste après. Florian qu'on aura également. On aura Polo contre le reste du monde spécial pendant 5 minutes. Hein. Je rappelle que depuis lundi, donc Polo a droit à 5 minutes. Ouais. Sur l'antenne de Fun. Polo contre le reste du monde. Et donc on va évidemment faire ça tout à l'heure. On parlera de macho. C'est ça. Voilà, donc si vous voulez participer, 01 42 48 5000 ou alors pour la Belgique 02 851 4x0, vous nous appelez et vous passerez dans moins de 20 minutes en direct sur Fun Radio dans Polo contre le reste du monde. Allez, on écoute Darwell maintenant sur Hardwell avec Dare You. J'ai fait Darwell, rien à voir. Hardwell et Dare You, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. A Hardwell sur Fun Radio avec Dario. Et avant de récupérer la suite de l'histoire, évidemment, hein, avec Elia, c'est sa première lourd. Fois. Du très lourd. On va d'abord terminer et faire les derniers appels avec Toff. Je rappelle que nous sommes tombés sur ce sondage magnifique qui nous disait que 3 Françaises sur 4 préféraient faire l'amour à faire les soldes. Oui. Et donc c'était énorme. C'est même c'est gigantesque. C'est vrai. Donc on appelle des gens afin de vérifier si chez eux c'est pareil. Voilà. On était tombé d'ailleurs sur de nouveaux amis tout à l'heure, hein. Très charmant au demeurant. Ah oui. Hein. Alors moi je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille moi. Ah, il avait dit ça aussi. Tu m'as dit je te nique ta mère. Voilà, il était un peu énervé là pour le coup. Et puis il avait même dit ça. Je te mets de l'acide dans ton cul moi. Je te mets de l'acide dans ton cul. Et là je pense que c'était quand même la plus belle. Bon du coup bah forcément on va appeler quelqu'un d'autre, hein. On va pas appeler les mêmes chaque fois non plus, hein. C'est parti, on y va pour leur poser la question. Merci pour les numéros que vous avez envoyés d'ailleurs, hein, sur le mail de Toff comme tous les jours d'ailleurs. Oui. Oui, bonsoir madame. Oui, c'est qui? Oui, c'est Toff à l'appareil. Qui? Toff. Si on connaît pas moi. Non, on se connaît pas, mais je voulais savoir si vous préférez faire les soldes ou faire l'amour. Ah. Elle préfère accrocher au nez. Oui, visiblement, oui. Bon, c'est pas grave, on va la rappeler. C'est parti. Allez, on rappelle madame, là, c'est parti. Oui. Oui, excusez-moi, on a été coupé, madame. Eh oui, mais je n'écoute pas les conneries, moi. Mais c'est pas une connerie, madame. Je voudrais savoir si vous préférez faire l'amour ou plutôt faire les soldes. Bah, elle s'en branle, elle est nouveau partie. Donc. Ouais. Bon, on va la rappeler encore un coup, hein. Allez, allons-y. C'est parti. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Sur ma vie, je te nique ta mère. Allez madame. Je sens qu'on aura le monsieur là, je sais pas pourquoi. Oui. Ah non. Oui, excusez-moi, on a encore été coupé madame. Albert. Ah. Non, Toff. Albert, viens te fêter avec ce connard là. Avec ce connard. En tout cas, elle t'a cerné. Bon, on va rappeler Albert maintenant, hein, du coup. Ah bah oui, appelons Albert. Allez hop, on rappelle Albert. Sur ma vie, je te nique ta mère. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'étais en communication avec votre femme, on a été coupé, monsieur. Oui, et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Toff, monsieur. Oui, Toff. Oui. Et moi, je voulais... j'ai votre numéro. Oui. Mais oui. Je voulais savoir si votre femme, elle préfère plutôt faire l'amour ou plutôt faire les soldes. Oui. Oui. Oui, mais moi j'ai votre numéro, hein. Dommage oui. Pour plate, monsieur. Oui, d'accord, mais ça répond pas à ma question, tout ça, monsieur. Ben, j'en ai rien à foutre de votre question, moi, monsieur. Bah oui, mais vous pourriez... Absolument rien. Mais oui, mais vous pouvez y répondre quand même, monsieur. J'en ai rien à foutre, on en a rien à foutre de votre question. Oui, oui, ça j'ai compris, monsieur. Ok. Oui, mais alors... Allez, bonne soirée, hein. Oui, mais votre femme, alors, monsieur. Allô? Il pourrait répondre. Oui. Oh merde. Là. Bon, on le rappelle encore une fois. Après, on arrête. Sur ma vie, je te nique ta mère. Allez. Oui. Oui, madame, c'est pas très gentil de pas répondre à ma question. Écoutez, monsieur, vous commencez à m'emmerder, hein? Pas du tout, madame. Enfin, pourquoi vous dites ça? Ah, il ne va raccrocher. Sur ma vie, je te nique ta mère. Bon, rassurez-vous, je joue avec et puis après j'en aurai marre, je t'utiliserai plus, oh ne non, vous inquiétez il faut, pas. Il faut, c'est drôle. Bah oui. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Il était tellement content de le dire et ça venait tellement du cœur. Sur ma vie, je te nique ta mère. Voilà, que c'était énorme. Bon, ben on en fera d'autres, des appels demain, évidemment. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas, bien sûr, à partager. Bon, Elias. Ouais. Bon alors la suite de l'histoire parce qu'il y avait même Sébastien, il y en a plein sur le Facebook, sur le Twitter là qui sont impatients ouais. De connaître la suite et le fin mot de cette histoire. François Hollande vient d'envoyer un tweet. Exactement. Il oui. veut savoir la fin de l'histoire. Tout à fait. Et du coup donc la suite de l'histoire. Eh ben en fait quand la fille elle est venue. Et elle est venue tout et genre elle a allumé la lumière. Ouais parce que tu t'es tapé la mère de la fille deux secondes. Oui mais moi je savais pas moi. Non mais bien oui, sûr mais bien sûr. Non mais d'accord mais j'ai pas le contraire. Mais donc tu t'es tapé la mère de la fille deux secondes. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un va, un vient et. Mais non, je l'ai même pas pénétré. Elle a juste mis sa bouche, c'est tout ça. Ah oui, t'étais vraiment au bord du bord quoi. Ah, ah non mais j'étais en extase. Tu m'étonnes, bah oui, mais t'avais quel âge? J'avais 13 ans, je crois. Oh là là. Ouais, j'avais 13 ans. Ça m'apprendra à poser des questions idiotes. Et genre après, la fille, elle est venue, enfin ma copine, quoi, elle a ouvert la porte et elle l'a vu en train de me pomper. Et genre moi, je me suis dit, ça y est, c'est la mort, elle va aller, elle va me tuer, elle va tuer sa mère, elle va péter les plombs. Et ben en fait, non. Elle est venue, c'est partout. Bah oui. Elle s'est rajoutée au lot. Au lot. Mais j'étais chaud. Tu travailles sur les marchés, toi, non? Elias. Je me suis dit, oh putain, j'ai une cougar et j'en ai une, elle est chaude. T'es fort, toi. Ah ouais, t'étais au taquet, toi. J'ai tout ça à 13 ans, rappelons-le. Ah ouais, ouais. Ouais. Et après, t'as pris les clés de la Ferrari et t'es rentré chez Watt. Non. Pépère, quoi. Il y avait pas de Ferrari. Il y avait pas? Non, il n'y avait pas. Blue gosse. Par contre, c'est dommage que toi, il était pas venu. Mais ouais, moi j'aurais bien aimé, hein, parce que si j'avais pu me serrer à la daronne, moi je l'aurais fait avec plaisir. Hein. Bah, je l'aurais mis un god géant dans les fesses. Oh là là. Oh, Elias. Ah, Elias, t'es au taquet. T'es très bien, Elias. T'es le digne fils de Toff. Mais oui. Si j'avais pu enfanter un mec, j'aurais voulu qu'il soit comme toi, Elias. Voilà. C'est un bon honneur d'avoir ce label. Oh bah oui, okay, ce label. Bon, bah, merci, Elias, d'être passé, hein. Ouais, je vais faire comme les présidents américains, c'est Japon. Mais vas-y, Elias, là, profites-en. Fais juste une dédicace parce que personne n'y pense à lui. Vas-y, Elias, ouais. Fais une dédicace parce que personne n'y pense à lui, c'est le mec du standard. Parce que tout le monde lui parle, mais lui, il parle jamais. Qui ça, Sandro ou Dexter le stagiaire? Ah, mais t'es cool en fait, c'est sympa. Dexter le stagiaire. Ah oui, mais c'est normal, il parle pas, c'est qu'il y a une raison, t'inquiète pas. Hein. C'est parce qu'il. C'est non, lui... mais le mec, à chaque fois, je l'appelle et à chaque fois, je lui dis un faux nom. Et con comme il est, évidemment, il s'en rend pas compte. Oui, parce qu'à chaque fois, il me dit je te rappelle, mais il rappelle jamais. Ah, qu'est-ce qu'il est con celui-là alors. Quel connard ce mec. Hein. Mais vas-y, tu rappelles, tu l'insultes et tu racontes. Mais bien sûr, vas-y, allez-y d'ailleurs. Hein, okay. 01 42 Lucas. 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, vous appelez. Si c'est le mec qui décroche, vous êtes enculé. Tu raccroches. Voilà. Tu peux m'envoyer un pack fun, s'il te plaît. Ouais, on va t'envoyer ça, Elias. Y a pas de problème, je te renvoie chez Sandro au standard, on prend tes coordonnées. Ok. Salut Elias, ciao à toi, merci d'écouter Fun. A bientôt Elias, ciao. Et puis Sébastien. Ouais. Bon, ouais, eh ben merci. Je peux passer une dédicace. Eh ben vas-y aussi, vas-y. Eh ben je fais une grosse dédicace à mes collègues de boulot là qui sont en train de m'écouter là dans l'atelier. D'accord. Et voilà, et gros dédicace à vous aussi, vous déchirez tous les soirs, je vous écoute. Cool. Et au boulot, vous passez crème. Eh ben on passe crème, alors tant mieux. Ben merci à toi, tu fais quoi dans la vie, Seb? Ben je suis tourneur fraiseur moi. T'es quoi? Tourneur fraiseur. Je suis tourneur fraiseur. D'accord, ok, bah bon courage alors. Merci les gars. Salut, ciao. En fait, tu tournes sur toi-même et tu prends des fraises. Exactement, il est tourneur fraiseur, tout à fait. Voilà. Salut Sébastien, à bientôt. Allez, ciao, les gars. Bye bye. Il y aura Florian également qui est avec nous là. Salut Flo. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, tiens, il y a un message de Sofiane qui dit de l'acide dans le cul, j'en pleure de rire. Ben oui. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà. Il y a Megumi qui dit, moi, j'aime faire l'amour pendant les soldes, ça m'évite d'acheter des trucs que je mets pas des fois. Voilà, oui, c'est pourquoi pas. Il a trop vu le film, le mec, la Mickaël, et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Moi, je donnerais de l'argent à toutes les belles filles au chômage, comme ça, je suis sûr de leur mettre des coups de rein. Je pars en vacances et je fais profiter ma famille en offrant une maison et des voitures et une voiture à mes parents. Il y a Tess également qui dit moi aussi j'aime les puceaux, j'étais pas la seule et je ne le largue pas. Et le prince qui dit Top va enfin aller souiller les Be Freaks. Ravi pour toi les Be Freaks. Et les Be Freaks il dit Top est trop flemmard pour venir vers moi. Pas grave. Je viendrai vers lui. Waouh, j'en ai de la chance. Et là aussi, on peut éventuellement inviter sous réserve de preuves de fornication. Bien sûr. Évidemment. Polo, on veut frottis et tout. On veut frottis, on veut photos, on veut tout. Du poil. Moi, je veux des extraits de poil. Je veux du poil afin de l'ADN. Voilà. L'ADN. On appellera les experts. CSI. Les experts dans le cul de Toff. Quelle horreur. Un très bel épisode, hein, je vous le recommande. Ah, bah, on n'imagine pas. On n'imagine pas. On préfère pas imaginer d'ailleurs. Bon, Florian, on va parler de quoi avec toi? Bah, moi, en fait, je suis amoureux d'une fille. Ouais. Mais sa meilleure amie me fait des avances et m'envoie des photos d'elle peu sexy, on va dire. D'accord, ok. Donc, bah écoute, à mon avis, on va en reparler. Alors, soit si on a le temps tout à l'heure, mais pas sûr parce qu'il y a Apollo qui va débarquer contre le reste du monde. Au pire, Flo, on te récupérera demain. T'es à dispo demain, pas 23h ou pas? Bah oui, toujours. Bon bah nickel. Alors Flo, bouge pas de là, hein. Si on a le temps on te reprend maintenant, t'inquiète. Ne bouge pas Flo, on va se mettre le son de Pharrell Williams avec Happy. Il y a également Soussou qui dit qui est passé tout à l'heure. Dans ce cas, tous les auditeurs participent une fois qu'on a la confirmation. Je ne sais pas ce que tu racontes Soussou, ni dans quel contexte c'était, mais je ne vois pas de quoi tu parles Soussou. Il y a Tess également qui dit c'est quoi pour payer le voyage de Toff. Oui. Ah, dès qu'il y a confiance, bonne idée. Un tofton est en train de se mettre en marche. C'est pas mal. Et Tess qui dit également un mec scellé, surtout avec les poils de cul et le truc qui pendouille et leurs poils aux jambes comme Chewbacca. Oui, effectivement, oui, je suis assez d'accord. Et Abdou qui dit le yonf de Toff est juste immonde. Je vous remercie. Non mais c'est vrai. Bon allez, 1h50 sur Fun. Il y a Polo contre le reste du monde, ouais, qui va débarquer. Et puis on va se faire on va se mettre bien avec Pharrell Williams. Ça me paraît pas mal. Hein, je propose qu'on chill également pendant que Toff chie. On se fait Pharrell Williams maintenant. C'est Happy sur Fun, bonne nuit. Le son de Pharrell Williams sur Fun Radio, c'était Happy évidemment. Il y a Polo contre le reste du monde qui va démarrer dans quelques minutes. Je suis là, pépère posé, j'ai mon standard. Voilà, il y a j'ai un stylo, un papier. Ouais, complètement. Il y a Orlando qui a envoyé un message sur le Facebook tout à l'heure aussi. Si je gagne au loto, j'offre à ma mère une maison loin de la Belgique pour plus la voir. Oh l'enculé. Ariel qui dit si je gagne l'euro million, je paye le chirurgien esthétique à Toff. Ça, ah, c'est cool. Bien. Et Montelado qui dit moi je me paye des commerces et j'emmène ma petite femme visiter le monde. Et après, je profite à bloc, sport, fête et voiture. Mais tu profites pas en faisant du sport. Mais non. Tu profites en bourrant comme un gros porc. Mais oui, en plus, voilà, c'est là que tu profites. Évidemment. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Et Flavien qui dit Sandro, sa première fois. Bon, on l'a expliqué tout à l'heure. Et Virginie aussi. Je mets sur le compte de mes enfants pour qu'eux, plus tard, aient une meilleure vie que nous. Et je fais plaisir à ceux qui en ont besoin. Mais il faut être égoïste. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'y vais et je suis comme un porc. Ah, bah, voilà. Ah, non, mais je donne un peu. Déjà, j'investirai sur les cheveux de Polo. Je lui remets une nouvelle chevelure. C'est vrai, j'ai des trous. J'ai plein de trous partout, là. Mais non, mais si, regarde. Non, mais oui, mais enfin, je réinvestirai là-dedans. Bah ouais, pourquoi pas. Je mettrai des longs cheveux lisses. Ah, j'adorerais. Ouais, comme c'est ça, bon, tu pourras t'éjaculer dedans. Genre, me m'auto-branlerai. Ce sera la grande classe. Bon, ouais, allez, c'est parti pour Polo contre le reste du monde. Faudrait un jingle à l'occasion aussi. Ouais, hein. Bon, on va déjà voir ça, si c'est, ouais, cette pseudo et mini émission perdure tient dans la longueur. Parce que là, je pense que les gens concernés n'ont pas entendu encore. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Donc, on va y aller maintenant. C'est parti. Musique, bien entendu. Ça ne marche pas, c'est parfait. Comme hier, d'ici musique, à chaque s'il fois, vous plaît. Hein. Voilà. Cette musique magnifique qui nous vient des Andes, jouée afin de me présenter, moi, Polo, qui vient vous aider un peu le soir. Je reste là pas longtemps, on m'octroie quelques minutes, donc j'en profite. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. On commence tout de suite, on va parler des matchs. Jawed. Oui, je suis au taquet. Bon, je t'écoute, Jawed, arrête. Va faire la vaisselle, enculé. Hey, Jawed, calme-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis, tu vas faire la vaisselle, pétasse. D'accord, ok. Calice. Ouais. Bon, je t'écoute. Ouais. Alors. Vas-y, parle. Ouais, oh là là, bah vas-y, retrouve ton téléphone, on te reprend juste après. Nathalie. Oui, moi j'adore les machos. Sérieux, explique-moi un peu là, vas-y. Ouais, le mec qui te traite comme une chienne. Je suis sur les et tout, tu verras. Et qui te prend pour sa mère, et voilà quoi. T'aimes bien ça, toi? Ah ouais, j'aime. Avec une bonne fessée sur les fesses. J'adore. Kevin. Ouais. C'est moi. Ouais, je sais que c'est toi. Ça va? Bah ça va très bien. Vas-y, allez, les machos, on y va, ouais. On a pas ça. En fait, chez moi, je suis le plus gros des machos. D'accord, explique-nous un peu là. J'ai juste un petit vice, c'est qu'au taf. Ouais. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais. J'ai commencé une relation avec un gars. Ouais. Et franchement, je sais pas, je l'avoue pas à ma femme. D'accord. Je me fais démonter au taf et tout, c'est... Tu te fais démonter, c'est-à-dire... Bah... Le yonf, voilà, bon. Tu te fais démonter le yonf? Ah bah... Ah ouais, ça tu peux le dire. Mais t'es pas un macho en fait. Chez moi, si, je suis un macho. Mais pas au avec taf. Avec ma femme et tout. Mais au taf avec lui, j'arrive pas. D'accord, ok, merci Kevin. Claire. Oui. Ouais, je t'écoute. Ah, moi j'aime pas les machos. Pourquoi? Bah j'ai jamais aimé les machos. Mais c'est quoi cette voix là? J'aime pas les machos. Bah tu vas répéter ça en boucle. Ah. Ah, j'aime pas les machos. L'enculé. Ouais. Salut l'enculé. Ouais, bon bah écoute, moi je voulais participer au débat. Bah je t'écoute. Parce que c'est toutes des putes. Qui ça? Et que bah les meufs. D'accord. Il y a un moment les meufs elles sont là uniquement pour se faire enculer quoi. C'est vrai. Donc t'arrives, elle se maquette pas, tu termines et puis après bah tu te barres quoi. C'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur pour la gente féminine. Non bah justement, c'est réduit la gente féminine là, ça sert à ça. Bon alors enculé deux secondes, Macho Man. Allô Macho Man, c'est toi le Macho Man? Oui, c'est moi. C'est alors moi, je voulais d'abord te dire, Polo, que j'adore tout ce que tu fais. Je que sais. C'est trop bien ton émission. Moi aussi, je m'adore, tu sais. Que je te kiffe. Et si t'avais des cheveux, bah, ça me ferait plaisir de te souiller. Ah bah d'accord. Voilà. Et puis sinon, moi, je voulais te dire, pour les femmes, t'as entièrement raison. C'est toutes des putes, des grosses salopes. J'ai jamais dit ça, Matchman. Calme-toi, Jawed. Moi, écoute-moi. Ouais. Un seul truc, je veux baiser avec tout le monde. Les meufs, c'est tous des grosses putes. Elles se mettent à quatre. Jawed. Baisse, calme-toi. Attends, oui, tu peux pas venir ici et cracher ton venin comme excuse-moi, ça. Excuse-moi, Polo, je peux te dire un truc. Attends, vas-y. Je suis amoureux de toi. Non, moi aussi, j'adore. Moi aussi, je m'aime. Calice. Oui, mais moi, les meufs, écoute, tu vois, j'aime bien les bonnes chattes. Hein. Tu vois, les bonnes chattes qui mouillent pour bien leur rentrer le chibre. Tu vois, t'as vu, c'est quoi un gros chibre? Non, je sais pas, je l'ai dégagé du standard parce que c'est sale. Je ne peux pas, il y a des choses que je peux pas me permettre. Nathalie. Qu'est-ce qu'elle a? Elle pleure maintenant? Non, moi, ça me fait rire. Qu'est-ce j'adore qui te fait rire? Comment il parle, l'enculé. Ah, t'aimes ça? Ah ouais, j'adore. T'aimes te faire tirer les cheveux, Nathalie? J'adore ça. Et te faire claquer les tétons? Tu sais, je me fais deux petites couettes comme ça et j'adore quand tu me les tires. Ah ouais, mais je t'ai jamais rien tiré. Kevin! Ouais! Je t'écoute. Ouais, bah voilà, j'ai du mal à la. Ah, il y a deux DRD derrière toi là. Y'a quoi? RDD? Ouais. Péo va arriver, vas-y Kevin, manque-toi là, vous emmerdez là. C'est le talkie-walkie de mon collègue. D'accord, t'es policier? Non, je travaille dans une usine. D'accord. C'est un peu un monde de macho. Ouais. Et moi je suis un peu la soumise là-dedans. Bah reste soumise, allez dégage d'ici, Claire. Oui. Ouais. Je t'écoute. Oui. Bon allez dégage, allez relou, celle-là elle parle pas. Enculé. Ouais bon donc moi je suis en train d'en baiser une là actuellement. Ah ouais. Elle demande que ça et puis maltraite voilà, donc mais c'est ce que je vais faire hein, d'ailleurs. T'aimes ça salope. Merci l'enculé. Matchoman. Matchoman. Oui Polo. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, en fait voilà, je me demandais peut-être que est-ce que ce serait possible que je vienne faire une cascade dans ton émission? Ouais mais pince-toi les couilles parce que t'auras l'air peut-être un peu plus masculin. Jawed, pour terminer ce Polo contre le reste du monde. Un tout petit peu. Vas-y. Nathalie, je veux te baiser. Nathalie, je veux te tirer les couilles. Je veux te tirer Nathalie. Le cul, je veux tout te tirer. Nathalie, il y a Jawed là qui veut te tirer. Bah qui vient là. T'as tout dans ton cul. C'est trop bon. Je vais te baiser la chatte, je vais te tuer, je vais te manger le poil. Hop. Nathalie, pour conclure. Vive les mecs machos. Bah, merci beaucoup. Jawed, pour conclure, s'il te plaît. Jawed. Ouais. Conclusion. C'est une grosse salope, Nathalie. Ok, merci beaucoup. L'enculé, pour conclure. Ouais, donc, voilà, là, je viens juste de terminer, puis je voulais te dire, Polo, t'es vraiment un trou du cul, et tu vaux pas mieux que les meufs, t'es une merde. Voilà, et ton émission, là, ni queue ni tête comme toi. Bah, je te remercie, l'enculé, tu peux dégager maintenant. Et pour terminer, ce Polo contre le reste du monde, version Matchoman. Matchoman. Oui, Polo. Je t'écoute. Voilà. Bah, en fait, voilà, comme je te kiffe, j'adore tout ce que tu fais. Ouais. Et que t'es quand même le plus grand des machos que j'ai jamais kiffé. est-ce qu'il y a moyen que je vienne te lécher la rondelle? Ouais, c'est possible, ouais. Mais tu fais ça propre, hein. Bah oui, j'y mettrai beaucoup de salive. Allez, casse-toi, il va trouver une vraie voix d'homme. Ainsi se termine le troisième. Le troisième Polo contre le reste du monde. Exactement, en espérant que ça puisse perdurer. Bah de c'est pas gagné années. Encore. On va voir. Ni le sous-chef, ni le sous-sous-chef, ni même l'altesse. Il a encore entendu parler de cette émission. Mais à un moment ou à un autre, ça va venir et c'est là que le bas blessera. Je me kiffe. Bah je tant mieux. Ouais, écoute, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on va se faire également le générique et puis il y aura aussi, bien entendu, le top tweetos. Alors faisons un petit tour du côté du top tweetos maintenant. Mais bien sûr. Ah bah allons-y. Bien sûr. Le numéro 2 qui gagne ce soir au niveau du top tweetos. Sauf si bien sûr le numéro 2 a déjà gagné, on ira voir le 3ème, 4ème, etc. Bon, alors, numéro 5. Alors, je prends mes petits papiers, mon petit boulier et je compte. Cédric. Numéro 5, c'est Cédric. Numéro 4. Fred S. Numéro 3. Le Prince Nadia. Numéro 2. Magda. Numéro 1. Let's be freaks. Tout le monde a gagné, me semble-t-il, déjà dans les 5 premiers, non? Oui. Mais je pense que la 6ème, n'est-ce pas, n'a pas encore gagné. Ah, n'est-ce pas? Non, je crois qu'elle a pas encore gagné, n'est-ce pas? Bon, bah bravo à toi en tout cas, on va vérifier, mais normalement c'est bon pour toi. Le God, le sextoy offert par Passage du Désir.fr. Bien sûr. Voilà, on remet le couvert demain à partir de 23h pour la dernière de la semaine. Et puis, bah, générique de fin avant de partir, ça tombe sous le sens, c'est normal, c'est parti. Alors attention, on y va, t'es prêt, Polo? Ouais! Allez! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé! Tu bouffes des bites, t'offres te sucer, toi l'enculé! Merde! Tu calcules comme toi! Toi l'enculé! T'es un gros gibet! Pire! Toute la journée! Sur ma bite, nique ta mère! Je te mets de la dans ton cul, moi! Cause toujours enculé. Sur ma vie, je te nique ta mère. Non, mais vous êtes une ordure. Je te mets de la vie dans ton cul, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, bande d'abrutis, hein. Hé, hey, je vais t'ouvrir la tête, JB, si tu viens me toucher. Je te mets de la vie dans ton cul, moi. Allez, attention. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitofs, te sucer, toi l'enculé. Enculeur. Et toi, t'as un oncle, c'est un enculé. Plus ça va, Les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Et ben voilà. Merci Lilou, comme d'habitude, bien entendu. Bon, et bien on se retrouve demain à partir de 23h avec attention. Demain, évidemment, ce sera le jeudi. Donc le jeudi, c'est les canulars, évidemment. Et nous aurons également l'occasion de vous offrir les derniers casques Beats by Dre et les caméras, les GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Voilà, portez-vous bien. Merci à tous ceux également qui ont été là ce soir, avec Gaël notamment. Il y avait Alexandra, il y avait Camille, il y avait Renaud, il y avait Dédé, il y avait Snorky, il y avait le Prince Nadia, Jojo 78. Il y a du monde ce soir. Il y avait Grrr qui était là également, DJ Comac, Tigerfall, Begin Smash, Cookie bien sûr, Secret Key, Let's Be Freaks bien sûr, le Prince Nadia et tous les autres. Merci d'avoir été tous là. Désolé pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de citer, mais il y a trop de monde évidemment. Continuez à venir nous rejoindre sur le Twitter de l'émission. Tapez Mikael underscore, c'est le petit tir en bas, Mikael underscore officiel, ou alors sur le Facebook évidemment, Mikael officiel, pareil. Bonne nuit tout le monde, il y a demain 23h. 23h, 2h. Fuck Mikael, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Bon, parlons de choses sérieuses maintenant avec l'animateur le moins drôle de la bande FM. Mais le plus écouté la nuit. Oui, enfin bon. Remontez-moi le moral, les gars, parce que je vais pas bien. Non, mais tu sais que si t'es écouté la nuit, je vais parler comme un directeur antenne. Ça n'a rien à voir avec le talent d'animateur, c'est la musique qui fait tout ça. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi t'as pas le moral, JB? Parce que mon équipe Toulouse a perdu contre Moulins en Coupe de France. Ça. Moi, je croyais que t'avais vraiment. Moulins, mec. Attends, j'y étais. Contre qui? Moulins. Donc, ouais, la vie est sympa. Alors, on capte Fun Radio là-bas, je vous ai écouté de là-bas. Mais c'est où? C'est en Auvergne. C'est dans l'Allier. Voilà, le 03. T'en reviens là? À l'instant. Et donc Toulouse a perdu contre eux ? Moula. Non mais attends, mais Moula, 2-1. Non mais en fait tu joues parce qu'on on connaît tes goûts musicaux, etc. Mais t'as ton pull et tout, mais t'es sérieux là, JB? Mais en fait tout est à l'avenant. Ah non, le match est à 19h30, c'est terminé à 22h et j'arrive là, il y a une demi-heure, j'étais à Paris. Voilà. Bon, à Moulin. Moulin. Bon, bravo JB. Ton moulin, Meunier, tu dors. Évidemment. Bon, alors on va se quitter parce que je pense que là, c'est JB, tu dors. Il faut y aller. On va mettre quoi là comme premier son? Parce que tu veux. Mais moi, j'ai ce que je veux, d'accord. Non. C'est mon émission, c'est Maître Games Zombie. Oh, on n'a pas envie. Non, je depuis qu'il est pas venu à Starfloor, moi je l'emmerde. Ouais. Non, mais c'est vrai. Attends, il y a un moment, le mec il vient même pas à Starfloor, je suis désolé. Il vient, je viens plus, je joue à la Game Boy. Il bouffe avec sa cousine. Il préférait jouer avec FIFA, bah qu'il joue à FIFA alors. On va mettre Pharrell Williams parce qu'on l'aime bien. Mais on vient de le mettre là. Ah bon, bah c'est pas grave, on peut le remettre. Allez, JB. Ouais, on a le nouveau Showtech. C'est vrai. Ah ouais, Showtech, d'accord. Showtech. Ok, très bien. Bon, bah alors Showtech, alors c'est parti. Et on se retrouve. Juste après, il y a Froitech d'ailleurs, c'est bon. C'est son cousin. JB, je vais pas pouvoir soutenir. Je vais pas pouvoir soutenir là sur celle-là. Allez, ça c'est bon ça. J'adore le début, tu peux en mettre. Allez, génial. J'adore moi aussi. Ah bah bien sûr, Polo, alors on danse là avec toi, avec Kof dans la voiture. Hier je l'ai ramené à Saint-Auto Libre, on était en train de faire wouh. Ah on était bien. Ça nous rappelle le week-end. Fiesta party, man motherfucker. À Moulins, à Paris, en France. On est sur la radio. Ah, il est bouillant, JB. Jubert. Il a entendu la question de Franck Jubert. Allez, on revient demain 23h, juste après le VinFun. Est-ce que Karel sera de retour? D'ailleurs, je ne sais pas, on verra bien. À demain 23h, salut tout le monde. Bon, tu l'as niqué, je vais la remettre. Ouais, voilà, je disais, remets à zéro. Ça fait bien pop, ça, j'adore. Quoi, Mickaël? Oui, j'aime chanter en direct. Voilà, alors vas-y, prends le micro, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il n'y a pas de problème, c'est juste que... Attends, écoute. Je suis un zombie. Je suis pas venu à Starflore. Il aurait pu chanter ça. T'es méchant quand même. Non, c'est vrai. T'es méchant. Bon, merci, allez. Allez, rembord. Ouais, je vais partir là. Ouais, pars. Mais je suis bien là, en fait, finalement. Partir un jour. Ah bah, je vais me barrer. Allez, bonne nuit, à demain. Alors, tu te barres avec un stylo, comme ça, avec une croix. Allez, Bruno dans la radio à 6h. Et là, c'est Calvin Harris sur Fun Radio.